know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. To hear me now. Et du fun. 20h-22h sur Fun Radio. Et merci d'avoir choisi Fun Radio pour démarrer votre soirée là, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Merci d'être ici tous les soirs du dimanche au jeudi, 20h-22h. Demain c'est la journée du don du sang. Et on va donner notre sang avec une petite partie de l'équipe. Kassim peut pas le faire, il a la phobie des piqûres. Oh, c'est même pas la peine. Si vous voulez, je peux signer du nez. Comme ça, vous récupérez le sang comme ça. Il y a pas de souci. Bah dans ces cas-là, moi aussi, j'ai une autre solution. Hein. Non, attendez, c'est sérieux. C'est on ne peut plus sérieux puisqu'on va tous donner notre sang demain. Pas de différentes façons. C'est par prélèvement veineux uniquement. C'est de l'humour. Ah ouais, non, et bien sûr. Oui, on se marre. Et, demain, on fera un petit Facebook Live dans l'après-midi. Mmh. Voilà, ouais. Vous nous retrouverez en direct du don du sang. Hein, Tu stresses là, t'es pas bien toi. Il en flippe. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de piqûre. Là, il y a deux secondes dans le couloir, t'as fait la piqûre. T'es allongé et tout, voilà, ça va. Tu risques rien. Il y a des masseuses des gens, quand même. Hein. Oui, il y a des sandwichs à la fin. On te pose quelques questions quand même, c'est important parce qu'il faut savoir si par exemple t'es séropositif ou pas, faut le dire. Non, ça va. Non, mais c'est pas marqué sur le bout du nez. Voilà, et toutes ces choses comme ça, voilà. Et le groupe sanguin, souvent on en parle... Évidemment qu'ils le font, puisqu'il s'agit après de prendre différents éléments du sang, des extraits, du plasma par exemple, et des globules rouges, des culots qui vont servir pour traiter les anémies, et on va bien sûr savoir le groupe précis, puisqu'on ne va pas transfuser n'importe quel groupe à n'importe qui. O positif, Doc, c'est bien ? Oui, c'est bien. Alors, le donneur universel, c'est O négatif. Et le comme moi. Ah merde. Le receveur universel, c'est ABRH+. Voilà. Bon, après, ce dont on a le plus besoin, c'est. Oui, c'est vrai que les ORH+. Bah voilà. RH-, pardon. Et on vous fera un petit Facebook Live, en tout cas, demain, dans l'après-midi. Vous pourrez suivre ça. À mon avis, ça va être assez sympathique de voir Kassim faire sa prise de sang. Que dalle. Il n'est pas encore au courant qu'on va lui prendre son sang, bien sûr. Vous allez donner votre sang et puis c'est tout. C'est ça, et tu fermes ta gueule. Ouais, c'est Fanny ça, est aussi, avec nous, 16 ans de Brest. Bonsoir, Fanny. Salut. Salut tout le monde. Salut à toi, Fanny. Alors, vas-y. Déjà, Parle-nous un petit peu de cette histoire de toilette, là. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, tous les matins, je vais prendre ma douche. Mmh. Et les toilettes sont dans la salle de bain. Ouais. Et donc, quand je rentre dans la salle de bain, c'est horrible. Genre, avant d'aller au lycée, je pars au moins 15 minutes parce que je passe mon temps à aérer, à mettre du parfum, mais il n'y a rien à faire, quoi. Du coup, je voulais savoir si vous avez une solution parce que quand je rentre dans les toilettes, pas du tout, quoi. Ça sent quelle odeur exactement? La merde. On est sur de la défécation. De la défécation. Mais il y a des odeurs. Ah. Des odeurs. Ça dépend de ce qu'on a mangé, ça dépend aussi de la fermentation, ça dépend de plein de choses. Ah ouais. Alors, en principe, on a une flore équilibrée. Et heureusement, les selles ont une odeur, bien sûr. De là à devenir aussi tenace et à coller au mur, en quelque sorte, c'est déjà un peu compliqué. À coller au mur. Tu peux demander à ton père d'aller déféquer en ouvrant la fenêtre, déjà. Ouais. Et puis d'équiper la salle de bain de déodorants puissants. Non, mais même, ça me paraît évident, mais une fois que le truc est tombé, tout de suite la chasse d'eau. Tu évacues plutôt que de rester dans le délire qui est toujours présent, tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a aussi les gaz, hein. Ah oui, mais ça, à la rigueur, ça s'en va assez rapidement. C'est vrai que quand tu fais un gros popo... Ça dépend lesquels. Oui, écoute, Doc, tu veux passer un message à Katoche, ta femme? Non, mais j'ai pas de problème avec ça. Ah bon? Alors, Alice, toi qui es une fille, oui. quand on rentre chez toi, ça sent toujours très très bon. Dans les toilettes, c'est incroyable, cette senteur tropicale. Ah, quel est ton secret? Écoute, j'ai pas de secret parce que dans mes toilettes. Je ne fais pas caca. Mais non, mais dans mes toilettes, j'ai même pas de petit spray pour que ça sente bon ou quoi. Moi, j'ai pas spécialement de secret. En fait, peut-être parce que je fais la porte ouverte. Donc finalement, c'est tout mon appart qui. Oh mon dieu! C'est-à-dire, il y a ton mec à côté et tout, il passe, il te voit en train de faire. On papote et tout, on fait des snapshots. Oh non! Ouais, on s'amuse! Ah ouais, non, c'est sympa la vie intime d'Alice. Bah oui, on apprend des trucs, Kassim le producteur. Il y a la technique de l'allumette aussi. L'allumette? Ouais, tu vas dans les chiottes, tu craques une allumette et après ça sent le soufre et ça sent plus la merde. Ah, c'est une bonne technique ça, Doc? Bah si, non, ça marche. Hein. Dubitatif le Doc. Ou le clou de girofle aussi. Le clou de girofle? Ouais. Ah bon, c'est pas ouais, c'est si quoi tu, ça? Bah tu mets le, ouais. ça dans les chiottes et ça fonctionne. Hein. Le mec a des gros problèmes d'odeur, hein, ça se sent. Ouais, ça se sent, t'as une certaine. Une expérience, Fanny. Ou Fébraise. Fanny, non mais c'est vrai, rien de beau, un bon vieux Fébraise. On va pas faire de pub, mais sans déconner, senteur tropical, hein, ouais. C'est celui que je vous conseille, celui que j'ai à la maison, et franchement, ça fait le taf. Hein. Ça fait le café, ouais, Fanny. Tu veux pas nous passer ton père, qu'on parle un petit peu de son alimentation pour faire des caca qui puent, là. Hein, Fanny? Non. Si, vas-y, passe-nous ton père, quand il rigole. On va se marrer, on va se marrer. Là, vraiment, je peux pas parce que, déjà, c'est gênant. Et deux, il dort. Non, mais parce qu'il n'a pas conscience de ça. Mais moi, je te conseille de mettre un petit mot gentil ouais. pour ne pas le prendre de front et de dire serait-il possible d'ouvrir la fenêtre pendant que vous allez aux toilettes? C'est ça. Je proteste en tout cas contre tous ces architectes qui mettent les WC dans les salles de bain. Voilà. Mettez des toilettes à part. Et si les architectes faisaient leur travail différemment, il n'y aurait pas ce problème-là, bien sûr. Mettre des toilettes dans les salles de bain, c'est à chier. Non, mais bon, et avec fenêtre. Mais bien sûr, avec fenêtre. T'as la fenêtre dans la salle de bain, Fanny? Oui. Bah, tout le monde l'a, bien sûr. Donc, dis-lui, en tout cas, il faut lui dire que t'as un problème avec ça et mets la dose de Fébraise. D'accord, ma chérie? D'accord. Bon courage. Ou le pince-nez. Et le déménagement est envisagé. D'accord? D'accord. Fanny, je peux passer une petite dédicace? Vas-y, bien sûr, on t'écoute. Je fais une dédicace à ma meilleure amie et puis je l'aime fort. Et ben voilà, ta meilleure amie saura que quand elle ira chez toi, il faudra faire attention aux toilettes. Hein. Elle doit être au courant, mon ami. Ouais, clairement. On t'embrasse fort, Fanny, tu reviens quand tu veux. Bisous. Salut la Bretonne. Yacine de Lyon. Bonsoir, Yacine. Salut. Ouais. Ils sont plusieurs, ils sont en voyage scolaire, c'est génial ça. Yacine avec tous ses potes dans un instant. Pour la question du voyage scolaire, vous restez avec nous et on écoute DJ Khaled et Justin Bieber, I'm the One sur Fun Radio. C'est Love in Fun tous les soirs du dimanche au jeudi. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. We the best music. Another one. DJ Khaled. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah, ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the only one, ooh, ooh, ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the only one. Ooh, ooh, ooh, ooh. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. That's one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my God, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby. God forgive me, don't you ever listen, I'm a legend. Straight up out the crescent, fly your bait on for the essence. For the record, I know Colin when that ball was spinning records. Move like game winning record, I'm just flexing on my asses. Yeah, you're looking at the truth, the money never lies. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Another one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. DJ Khaled et Justin Bieber. Du sexe, de l'amour et du fun. 01-42-48-5000 20h, 22h sur Fun Radio. Ils sont en ce moment sur les routes de France en voyage scolaire. Ils viennent de monter dans le bus, je crois. Ils sont avec nous. C'est Yacine et tous ses potes. 14 ans de Lyon. Bonsoir. Salut. Bonsoir, les gars. Salut. Salut, Yacine. Ça va? Et vous êtes où, là, en voyage scolaire? Bah là, on est sur la route. On est un peu quelque part, là. On est vers Savigny-les-Baumes. D'accord, c'est en région parisienne, ça? Ouais, à peu près, sur la route vers Lyon. D'accord. En allant sur Lyon. Vous allez en voyage scolaire à Lyon? Bah, en fait, là, on revient de notre championnat d'athlétisme à Montgeron. Ouais. À côté de Paris. D'accord. Championnat national, et là, on rentre. Donc, c'est pour parler de ma petite histoire. En fait, j'ai une pote qui me fait un peu tourner en bourrique, j'ai l'impression, et en fait, je l'aime, et voilà, du coup, c'est pour savoir si je laisse tomber ou. Je suis avec elle. Non mais arrête, Geoff, sans déconner, on s'en bat pas les couilles. Non, Yacine, non. C'est Geoff qui s'est emballé. Il s'est dit. Non, à mon avis, laisse tomber. Bah. Mais pourquoi tu dis ça, Doc? On sait même pas l'histoire. C'est quoi l'histoire avec ta meilleure pote là? En fait, ça fait 10 ans qu'on se connaît, qu'on se tourne vite fait. Et il y a un mois, on était envoyé scolaire en Angleterre. Et je lui ai dit que je l'aimais. Et en fait, elle m'a dit attends et. Ouais, ça fait depuis, début avril. Oui. D'accord. Mais t'es retourné la voir depuis ou pas? Ouais, depuis je suis retourné la voir. Elle m'a dit non une fois, mais lundi d'après elle m'a dit qu'elle voulait attendre la fin du Ramadan. Et là, je sais pas si j'attends ou. Bah attends, voilà. Tu verras bien. Oui. Bah, Yacine, tu perds rien à attendre effectivement. Après, t'emballes pas, hein, parce qu'elle a déjà dit non une fois. Ouais. Hein? Oui, bah oui. Bah oui. Non, mais là, il y a des filles dans ton bus ou pas? Ouais, il y a deux filles. Ah, il y en a que deux? Ouais, il y en a que deux. Bah pourtant, c'est de l'athlétisme. Il y a beaucoup de femmes qui font de l'athlétisme. Ah. Yacine? Perdu, Yacine. Au revoir, Yacine. Ouais. Yacine, c'est un auditeur qu'on aura beaucoup aimé. Ouais. Yacine, il nous manquera. Yacine nous a quittés. Yacine, t'es là? Ah, ouais, je suis là. Bon, et Yacine, il s'est passé quoi, là? T'étais où? Allô? Ouais, allô? Ça va, Yacine? Ah. Ouais, je suis là. Ok, bon, hey, Yacine, dédicace à ces parties là dans toute la France avec tous les poteaux qui sont derrière. Vas-y, lâche-toi. Allô? Salut, Yacine. Ça va? Ouais. Bah, Yacine, un ange qui nous quitte trop tôt. Un ange qui nous a fait rêver. Yacine, ta dédicace. Allô, ta dédicace, Yacine. Non, vous êtes où? C'est quoi? Allô. J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. En fait, Yacine, tu m'entends très bien, tu te fous de ma gueule. Bah moi je t'entends mais toi tu m'entends pas. Mais si je t'entends puisque je te le dis que je t'entends. Ta dédicace, Yacine. Ah mais c'est quoi ça? Par contre, bah du coup là je veux un pack Love in Fun, hein. D'accord, mais ta dédicace, Yacine. Bah dédicace à tous mes professeurs, à ma prof qui grille des feux rouges depuis tout à l'heure. Dédicace à mon professeur Il n'y a plus personne. Allez, salut Yacine. Bon, on dira que Yacine, c'était l'auditeur relou de la soirée. Hein, il en fallait un. Yacine, on te fait une grosse bise en tout cas. Il est dans un bus qui roule. Mais bien sûr, je sais bien, on le chambre un petit peu. Et on va remercier Johan, notre auditeur du soir, qui est avec nous depuis 20h, en direct de Saint-Brieuc. Tu fais ce que tu veux. La fin de l'émission, elle est pour toi, mon Johan. C'est parti, Johan, vas-y. C'est possible de faire des dédits. Ouais, vas-y, lâche-toi. Alors, dédié à la team Redjou, dédié à Bastien, dédié à Aurélien, dédié à Melvin, dédié à Colin, dédié à Lucie, dédié à Dylan, dédié à Noan, dédié à Gaëlic, dédié à Dylan Kevenek. Tu redis dédié toujours, quoi. Dédié. Dédié à tous. Dédicacé. Et sinon, j'avais envie de vous remercier. Vous êtes une équipe de ouf et vous êtes vraiment génial. Et restez comme ça et je vous écoute tous les jours. Ouais, c'est bon, et oh, Alice. C'est vrai, on dit génial, on dit pas génial. C'est bon. Johan, merde. Eh oui, bien sûr. On t'aura appris deux mots ce soir. Et Doc, ta voix, elle est ouf, elle est géniale. Je kiffe ta voix. Et ta petite Cathy aussi, je la kiffe. Elle est géniale, ta voix, Doc. Et en fait, quand il disait génial, il parlait que des filles. Ah, il parlait pas des mecs. Bien sûr, ah, Doc, il le défend. Pas fait hein. Faute. Maintenant qu'il a dit bon, vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux, l'équipe. Arrête de nous faire chier, nous cirer les pompes, Johan. Ça se passe pas comme ça. Johan, merci beaucoup. Merci. On t'envoie le super pack Love in Fun, d'accord? Merci, ça marche. Salut poteau, embrasse Saint-Brieuc et toute la Bretagne. On va retrouver Marion Enzo, le night show qui va commencer sur Fun Radio. Bonsoir les filles. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Bah et vous les gentils chats? Bah écoute, on est plutôt des gentils chats, donc ouais, ça va et tout. j'ai envie que tu me caresses ce soir. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, ce soir, j'ai envie que Marion me caresse. Ok, bah viens là, je te caresse. Sans déconner? Bah je te caresse le bras, quoi. Hein, on se calme. Eh, ok, c'est la fin de saison et en fait, je me suis trompé toute la saison. Je draguais Enzo. En fait, faut draguer Marion. Aujourd'hui, t'étais sur le mauvais poulain. Putain. Mais c'est vrai, les gars, je vous entends. En fait, je suis là. Hein. Pardon, Enzo. J'en profite. C'est pas grave. À tout à l'heure, Marion. Bisous, Karen. Bisous, les filles. Bonne émission. À demain. Ah, c'est ça. Le soir, à 22h, tu peux mater des programmes chiants à la télé. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Tu peux aussi te faire un ciné avec ton mec ou ta meuf. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Tu peux lire l'encyclopédie ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Sinon, tous les soirs sur Fun Radio, tu peux écouter Marion et Enzo, le Night Show. Ah oui, alors là, je dis oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Bah, pépère, il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles. Oh non, pépère, ça va pas? Ouais, bah c'est moi, pardon, hein. Peter! Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the Night Show! Marion. Et Anso, The Night Show, sur Fun Radio. C'est parti les amis, on est en direct, c'est Marion et Anso, le Night Show, il est 22h02. On espère évidemment que vous avez tous passé un bon mardi, ouais. Et je sais, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on vous lit absolument sur tous les réseaux sociaux. Et alors là, c'est la dernière ligne droite, J-2 avant les premières épreuves du bac. Il y en a même qui sont en plein dedans. J'ai vu des épreuves de BEP et tout aujourd'hui. Vraiment, j'espère que ça s'est bien passé. Je connais le stress de cette période, l'angoisse. On a envie que ça s'arrête très vite, on a envie de kiffer la piscine cet été, mais ça va venir. On y croit, on est avec vous, on révise en écoutant le Night Show, on est une grande famille dans la même galère. Mais voilà. J'ai aucun doute, moi, tous les auditeurs de Fun Radio sont des gagnants, vous êtes des winners, vous allez les avoir vos examens, c'est sûr. Oui, au pire, il y a les rattrapages, et au pire, il y a des redoublements, et au pire, on peut s'en sortir sans examen, regardez Anso. Oui, Finalement, elle n'a pas eu son bac. Non, mais quand même, j'ai mon BEP secrétariat accueil, quand même. Et ça t'a beaucoup servi. Oui, mais au moins, les gars, je suis dactylo, c'est-à-dire que je tape des lettres sur l'ordinateur sans regarder mes doigts. C'est bien, bah, on est fiers de toi et t'as très bien réussi malgré tout. T'es un bel exemple pour la France. Eh bien, merci beaucoup Marion et je te renvoie le compliment. Et alors, j'ai quand même une petite information pour vous. Anso a été chez le coiffeur aujourd'hui. Oui. Vous allez pouvoir le voir si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. On vous a mis une petite vidéo là où on chante tous ensemble. Anso repasse doucement mais sûrement au brun donc. Hein. Non, je repasse pas au brun, mais j'ai enlevé un petit peu le côté blond parce qu'on arrive à l'été. Avec le soleil, les cheveux blondissent déjà. Donc je me suis dit, je vais contrer comme ça les effets des UV. Mmh. Et puis je trouve que ça amène un peu de profondeur. Oui, alors c'est pas mal. Après, je te rappelle que c'est quand même un élément marketing. La blonde, la brune, si tu deviens brune comme moi, bon, ça aura plus le même effet. Hein. Oui, effectivement, mais enfin, je n'ai pas d'argument. Alors, à la limite, tu peux aller vers le roux, mais c'est quand même de pas trop te rapprocher de ma couleur, enfin. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, je ferai ce que vous me direz. Vous voulez que je sois bleu, je serai bleu. Vous voulez que je sois rose, je serai rose. Même pas cap. Et puis voilà, effectivement, Amir, tu soulèves un point, je ne suis même pas cap. Bon, ce soir en tout cas, dans l'émission, nous allons recevoir Théo Gordy et Shake Up, les youtubeurs qui seront avec nous. C'est à l'occasion du grand casting Ta vie puissance Yob, puisqu'on va tout vous expliquer, puisque ce sera vous, les youtubeurs de demain. C'est peut-être toi à Alençon. Oui, c'est peut-être toi, Romaric, ou peut-être toi dans le Bas-Rhin. Mais en tout cas, on va tout vous expliquer dans quelques minutes. Et puis, appelez-nous dès maintenant au 01 42 48 5000 si vous voulez participer à la grande foire aux célibataires. Puisque, voilà, on s'est dit un truc avec Marion et l'équipe. Tous les célibataires qui nous écoutent, eh ben, le but, c'est qu'à minuit, il n'y en ait plus un seul en France. Voilà. Alors, ça va être compliqué, mais on va essayer d'en aider un maximum. Ce ne sera pas compliqué, nous allons le faire, Marion. C'est comme ça que je te veux. Ah oui, j'adore. This is la peste pour le son. Ça débarque tout à l'heure dans le Night Show. Le son préféré de toute l'équipe. Hein. Ah mais c'est-à-dire que ce morceau, je crois que je me le fais au moins 30-40 fois par jour. On va aussi s'écouter David Guetta et Bieber. Ça marche bien le duo. Hein. Ouais. Enfin, de toute façon, tu mets deux tauliers comme ça ensemble, bon, ça peut difficilement faire un flop, on est d'accord. Mais c'est vrai que Bieber, ces derniers temps, à chaque fois qu'il fait un featuring avec quelqu'un, c'est un tube. Complètement. Et les garçons, vous aimez ce titre ou pas? Bonsoir Amir. Ah ouais. Eh oui, les filles. Ça va? Qu'est-ce qu'on en pense du dernier Guetta, là? Moi, je le kiffe. Hein. Perso, je l'ai écouté il y a une semaine. Ouais. Et je suis à fond dessus. Bah, c'est-à-dire qu'il est sorti vendredi quand même, hein. Donc oui, t'es un peu mytho sur les bords. Non, grave. Non, parce que je vous rappelle. Non, écoutez, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop lourd. Ouais. Hey, on bosse quand même dans une radio, donc on a quand même accès au titre avant qu'il sorte. Bah non, ça c'est impossible. Il est sorti mondialement vendredi. Mais non, mais Amir, il est. Ok. Le son de This Is, par exemple, il était la semaine dernière, il n'était pas encore dispo sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et pourtant, on pouvait l'écouter. Oui. Voilà. Pour This Is la peste. Enfin, je me rappelle que si on écoute Amir, il a mangé de la chèvre, il a fait des trucs incroyables. Oh, ça va, on rigole, bichon. Le principal, c'est qu'on aime beaucoup. J'ai mal au ventre tellement j'ai rigolé là. Oui. Nous, on a rigolé. Thibault Larrea, ça va? Ouais, ça va super bien. Je suis super heureux de la nouvelle coupe d'Anso parce que je trouve que ça lui va super bien. Ouais. Merci. Et bien, tant mieux. Passons à la suite, allez. Enzo, qu'est-ce que t'en penses, toi, des cheveux d'Anso? Moi, j'adore vraiment ce que je lui ai dit. Je la trouvais très très belle et ça refait ressortir ses yeux bleus, j'adore. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un va dire un truc pas lèche cul, Yaya? Bonsoir. Alors, c'est une coupe, c'est sympathique, oui. Mais le blond t'allait super bien. Et lui, il aime bien les trucs tranchés aussi, hein, les blondes, non. Les brunes. Moi aussi, je trouve que ça te va mieux le blond. Oh non, ça lui va bien. Mais moi, écoutez, vous savez quoi, laissons les auditeurs choisir. Moi, ça m'est égal. Moi, j'aime bien. Ouais, faut mettre une photo. Yaya, présente-nous le premier auditeur de cette soirée, s'il te plaît, mon chat. Eh ben, c'est Martin, 17 ans. Il nous appelle de Nice et il a un petit service à vous demander, les filles. Ah. Eh bien, nous, si on peut servir Martin, on est content. Bonsoir, Martin. Salut Marion. Salut Enzo. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est que ce service? Bah alors en fait, donc moi j'habite à Nice et j'ai vu que mardi prochain, enfin la semaine prochaine, que vous allez à Fréjus. Et en fait, j'aurais besoin que vous m'offrez 4 places donc pour aller donc au Party Fun Live à Fréjus. Ah oui, mais tu t'es trompé de date là, c'est ce week-end. Ah bah voilà, bah c'est encore mieux. Alors, mais c'est gratuit mon chat, tu sais? D'accord, ah bah je savais pas. Je pensais que c'était payant, qu'il fallait débourser. Donc, Alors pas du tout Martin, détrompe-toi, à chaque fois que Fun Radio vient en France, c'est totalement gratuit. C'est la soirée Party Fun Live, ce sera à Fréjus et ce sera samedi soir. Oui. On sera là avec une grosse partie de l'équipe. Il y aura les plus grands DJ, il y aura Adrien Thomas, Maeva Carter, on emmène Martin Jensen, on emmène Lumberjack, on emmène Moziman. On t'emmène sur un plateau comme ça, que t'as rien à payer mon pote. Ah, et tu viens entrée libre, c'est-à-dire que tu viens quand tu veux dans la soirée. Le mieux c'est quand même d'arriver au début. Ah oui, bah non, mais en plus c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc allez-y si vous êtes du côté de Fréjus, on va passer une super soirée, vraiment. Ok, tu seras là? Bah oui, je serai là, parce que j'essaierai d'avoir un selfie avec vous. Eh bah, y'a pas de soucis, on reste à la fin pour faire des photos avec grand plaisir. D'accord, ok, bon bah à samedi. Eh bien à samedi, je t'ai prévu des petits talons rouges, Martin, que tu m'en donneras des nouvelles. On t'embrasse très fort, Martin. Merci, gros bisous, merci de m'avoir pris à l'antenne. Bisous, mais merci à toi. Oh, qu'est-ce qu'on est sympa et poli, hein, c'est fou. Ah, c'est fou, on démarre bien cette émission, je la sens très bien. Et on voulait vous parler d'un truc pour démarrer l'émission, puisqu'avec Marion, c'est vrai qu'on s'est fait une petite réunion à toutes les deux, et on a fait un constat terrible, constat dramatique. La télé-réalité part quand même en n'importe quoi, tout va à volo. On voyait encore Amélie et Kim des Anges qui se sont quand même... violentée comme ça. Oui, alors ça n'a pas encore été diffusé, mais des images ont fuité. C'est dans un tournage là qui se déroule en ce moment. Elles se sont frappées, elles sont carrément, elles se sont mis, voilà. Je ne vais pas dire que ça a été jusqu'au sang, mais enfin quand même, c'est extrêmement violent d'en arriver là. Du coup, on voulait parler de ça avec vous. Exactement. On parle de télé-réalité. Quel est le truc le plus choquant que vous avez déjà vu dans une télé-réalité ? Alors pas forcément là maintenant qui est diffusé cette saison. Ah, ça non. Peut être dans des anciennes télé-réalités, toutes télé-réalités confondues d'ailleurs. On n'est pas fermé. Vous nous appelez au 01 42 48 5000 hashtag le night show. Et pour le son, on écoute Calvin Harris tout de suite. C'est Slide sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à minuit et c'est trop bon. Rick Ricardo, she having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide. Calvin Harris sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show, il est 22h13 et on parle avec vous de tous ces débordements dans la télé-réalité. Moi, je suis cliente de télé-réalité, alors je suis à peu près la seule avec Enzo et Yaya, je pense, à regarder un petit peu. Amir, Enzo n'aime pas ça, il en faut pour tous les goûts. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a tous vu des scènes. Alors après, on prend la télé-réalité au sens large. Koh-Lanta, ça en fait partie. Enfin, vraiment, vous pouvez aller dans plein de programmes différents. Quelle est la scène qui vous a le plus choqué? On parle de ça parce que j'ai vu à peu près partout là, sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques jours que c'est sorti cette dispute qui en est venue aux mains entre Amélie Nethen et Kim Glow, deux forts personnages de télé-réalité. Elles se sont carrément battues sur un tournage, je crois que c'est le tournage de la Villa des Cœurs Brisés ou quelque chose comme ça, ou les Vacances des Anges plutôt. D'accord. Les Vacances des Anges sur Énergie 12. Et donc, elles se sont vraiment fait un crépage de chignon, mais à base de mandales, quoi. C'est-à-dire qu'Amélie, elle a mis une patate à Kim. Il y a eu pas des dents cassées, mais vraiment, ça a été super loin. Mais ça a été tourné quand ce truc? Là, c'était on est en plein dedans, le tournage, là. Et elle a été virée, je crois, Amélie et Kim, d'ailleurs, les deux, il y a 2-3 semaines. Hein, c'est ça, Yaya? C'est ça, ouais. Elles ont été virées toutes les deux. Elles se sont expliquées sur Snap. Parce qu'en gros, Kim. Non, Amélie Nethen dit que Kim aurait attaqué son fils, etc. C'est ça. Kim aurait fait une réflexion sur le fils d'Amélie. Amélie, elle aurait pas réfléchi, bim, patate. L'autre réponse, l'autre re-réponse, et on en finit par. Attendez, excusez-moi, Yaya, il nous parle tout en envoyé spécial. Genre le truc le plus gravissime au monde. Détends-toi. Ouais, tu te rends pas compte, c'est un sujet qui a été vachement abordé sur les réseaux. C'est retweeté des millions de fois et tout, parce que ça intéresse les gens. Parce que là, pour le coup, on est dans la télé-réalité. L'embrouille, elle est vraie, elle est pas jouée. Donc forcément, c'est toujours un peu choquant. Donc ça intéresse tout le monde. Après, tout prend comme ça de l'ampleur. J'ai l'impression que plus t'avances en télé-réalité, plus c'est comme ça. Moi, je me souviens, je regardais plus du tout de télé-réalité, mais parce que moi, je critique pas les gens qui regardent, hein, mais c'est pas mon délire, ça m'amuse plus trop, etc. Mais je regardais beaucoup les Secret Story d'avant, et notamment la Secret Story 3, où Léo, c'était le premier mec à s'être fait virer pour violence, justement. Il s'était battu avec FX, qui s'est suicidé d'ailleurs depuis. Et ça, c'est le dernier truc dont je me souviens, de Léo qui s'était fait virer, histoire d'amour avec Emily, enfin. C'était il y a longtemps, ça. Franchement, oui, Enzo. Ouais, moi, je voulais juste dire qu'en vrai, c'est ce qu'on adore, moi. Nous, tu vois, les relations comme ça, conflictuelles avec des gens quand ils s'engueulent, quand ils se critiquent, quand il y a des gifs, quand il y a des trucs qui volent, c'est ce qu'on aime. Tu veux dire, vous, les télé-réaliteurs? la communauté des télé-réalités. Oui. Alors après, faut pas non plus donner un mauvais exemple. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Si tu banalises trop la violence dans la télé-réalité, tu la banalises dans la vie. Donc, faut faire attention. Mais je suis d'accord, les disputes, c'est quand même cool à regarder. Ah ouais. On se marre. Appelez-nous pour nous raconter la scène qui vous a le plus choqué en télé-réalité dans le programme de votre choix. On vous attend au standard 01 42 48 5000 et sur les réseaux sociaux. Hashtag le Night Show, tout est gratuit. Hein. Le numéro, les tweets, donc on y va, on fonce. Fun Radio vous envoie à la plus grosse teuf du monde. People of Tomorrow. Tomorrowland. Dès que vous entendez le double fun. Avec Martin Garrix. Fun. Et Don Diablo, mixé à la suite. Appelez Fun Radio. 3228. Vous partez en week-end. Tout frais payé. Pour vivre Tomorrowland. Avec les plus grands DJ. Are you ready? Et en plus, JBL vous offre la nouvelle enceinte Flip 4. Le double fun, uniquement sur Fun Radio. 3228. Service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. JBL, numéro 1 des enceintes portables Bluetooth. Wonder Woman. Les dieux créèrent les Amazones pour rétablir la paix sur Terre. Qui est cette femme? Déesse. Je suis Diana de Thémiskyra. Guerrière. Si personne ne défend le monde. Légende. Je dois le faire. Wonder Woman, actuellement au cinéma. Avec Fun Radio. Merci de m'avoir tenu à l'écart pendant la moitié du dîner mythique. Et merci de m'avoir fait rougir devant Marie. Elle a trouvé ça trop mignon. Merci, timidité. Rencontrez-vous au dîner mythique en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique, love your imperfections. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet pour l'Electro Beach 2017 avec Fun Radio. Electro Beach. Afrojack, David Guetta, Armin van Buuren, Deadmau5, Don Diablo, Martin Solveig, Tiësto et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electro Beach 2017, les 13, 14 et 15 juillet à Port Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Electro Beach. Les premiers pas de votre enfant. Une aurore boréale. Le mariage de votre meilleur ami. Qu'allez-vous capturer avec votre smartphone Asus Zenfone Zoom S? Double capteur photo, zoom optique. Ne ratez aucun moment de votre vie grâce à ses 2 jours d'autonomie et ses 128 Go de stockage. Asus Zenfone Zoom S. Capturez l'instant. Et jusqu'au 27 juin 2017, dans les 135 magasins Boulanger près de chez vous et sur boulanger.com, un Asus Zenfone Zoom S acheté, une perche à selfie et une coque anti-choc offerte. Voir conditions sur le site. À l'occasion de la 10e édition de la Sage Freestyle Cup à Marseille, Fun Radio présente Party Fun Live. Mercredi 21 juin, Plage Borély. Retrouvez sur scène les plus grands DJ. Martin Solveig, Galantis, Backer Matt, Henri PFR, Ugel, Watermat, Adrien Thomas, Imaeva Carter. Party Fun Live. Mercredi 21 juin à partir de 19h. Plage Borély à Marseille. À vivre en direct sur Fun Radio. Le son dance floor. Vous êtes en manque de délire quand les filles sont pas là. Bah ouais. Retrouvez Marion et Anso sur leur chaîne YouTube. Le Night Show. 22h minuit. On Fun Radio. Théo Gordy et Shake Up la débarquent dans quelques minutes dans le Night Show pour le grand casting Ta Vie Puissance Up. On va tout vous expliquer, on va se marrer avec eux. On leur a réservé plein de surprises. Si vous avez envie de leur poser des questions, que ce soit sur leur chaîne, sur eux, si vous êtes fan du monde des youtubeurs et tout, allez-y, même pour les découvrir, 01 42 48 5000. Et c'est le même numéro pour réagir au sujet du soir sur la télé-réalité. Ouais, on s'est rendu compte qu'Amélie Nethen et Kim s'étaient battus sur le tournage des Anges. Alors ça n'a pas encore été diffusé, mais ça a fuité. Et donc du coup, on s'est dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de télé-réalité, ça va comme ça, ça se bat, ça se frite, ça se fâche. Non mais c'est vrai que ça se fâche un peu trop, moi c'est ça qui me gonfle un peu. C'est tout le temps de la prise de tête pour savoir qui a piqué le papier toilette de l'autre. C'est vraiment des trucs un peu pourris quand même. Oui, alors après, il faut le dire, et c'est ce qu'ils nous expliquent tous, quand t'es enfermé H24 avec la pression des caméras et tout, tout prend une ampleur assez incroyable. Nous on le voit, parfois on passe des heures et des heures ensemble, et pour un stylo, on se chamaille. Donc, non mais voilà. Enfin, les anges ne sont pas enfermés pour rien, ils cherchent un job. Oui, mais tu vois, c'est vraiment le contexte qui fait que je pense pas que dans la vie de tous les jours ils sont comme ça avec leurs proches et tout. Là c'est ils sont avec des gens qui ne connaissent pas forcément, ils doivent se supporter, ils ont pas les mêmes caractères, donc moi je les juge pas là-dessus, mais je pense que les prods les poussent trop à bout, c'est juste ça. Mais moi je les juge pas du tout. C'est bah, braves gens font leur vie. Oui, bah après on peut se dire aussi que voilà, moi je pense surtout aux parents qui ont leurs enfants qui regardent ça et se dire bah non, j'ai pas du tout envie de voir des bastons à la télé, enfin ça saoule quoi. C'est ça, et du coup venez nous dire quel est le truc le plus choquant que vous avez vu dans une télé-réalité. 01 42 48 5000. Moi je parlais de Secret Story 3, toi Marion, c'est quoi? Bah moi alors je vais pas aller chercher très loin, pourtant ça fait longtemps que je regarde, mais dernièrement dans Les Anges, ils ont diffusé une dispute entre Mélanie et Raouel, pour ceux qui regardent ça va vous parler. Et en fait à la base c'était tellement violent et ridicule qu'ils en ont fait un truc drôle avec de la musique et tout, mais les meufs elles se sont jetées du jus de raisin au visage, elles se sont courues après, il a fallu s'interposer, enfin c'était... Vraiment? Oui. Je suis une raison. Non mais tu vois, dit comme ça, mais du coup ils ont tourné le truc, ils en ont fait un truc hyper drôle, la scène elle est culte, elle a buzzé de ouf sur le net, et voilà, c'est vrai que ça a fait marrer tout le monde, mais à la base c'est quand même pas drôle quoi. Cela dit, du jus de raisin, on joue pas avec la nourriture. Voilà, merci. Ah ouais, bah elles ont réfléchi à rien, je te le dis. Nathalie nous a appelé à Clermont-Ferrand. Eh bien, bonsoir à toi, petite Clermont-Ferrantoise. Clermontoise, c'est ça. Ça va? Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Comment tu vas, Nat? Ça va, merci. Et vous, ça va bien? Eh ben oui, on est ravis de t'avoir, on t'écoute. Alors, le truc qui t'a le plus choqué, toi? Alors moi, c'était dans Secret Story 5, il me semble, c'était Cindy à l'époque. Je crois que c'était une actrice porno même. Enfin, elle se baladait tout le temps les seins à l'air. Je me rappelle d'une scène sous la douche où elle avait été filmée complètement nue. Et c'est vrai que ça m'avait un peu choqué qu'il passe ça à la télé. Alors, elle n'était pas actrice porno, hein, je rectifie. Mais en revanche, je me rappelle très bien d'elle. Elle avait des seins énormes et il l'avait filmée nue sous la douche, effectivement. Alors, elle n'était pas actrice porno, mais elle est devenue quand même. Hein. Elle a fait quand même un ou deux films. Elle a réussi l'histoire, ouais, voilà. Ah, je ne savais pas, du coup, tu vois. Bah, si, écoute, moi je te confirme. Bel avenir en tout cas, elle a bien tourné la page de la télé-réalité. Non mais Cindy c'était une provocatrice aussi, c'était une femme avec son caractère, elle avait son chemin, voilà. Elle c'était pas une nana perdue qui a fait du porno pour être connue, c'était un truc qu'elle avait envie de faire. Oui, Thibault Larrea. Mais je sais pas si vous savez, mais dans sa ville elle s'est présentée aux élections genre municipales pour être pour bosser à la mairie quoi. Ah bah écoute, elle est crédible en tout cas. Pour bosser à la mairie. Mais je sais pas comment on dit maire pour bosser à la mairie, on dépose un CV. Mais non, mais genre comment on dit maire pour une meuf, on dit une mère aussi. Non, je crois qu'on dit mairesse. Elle devait avoir envie d'être conseillère municipale, un truc comme ça, je pense. Mais t'as raison, je pense qu'on dit mairesse. Mais après, ce que j'aimais bien, moi, chez Cindy, c'est que c'était pas du tout le stéréotype de la meuf de télé-réalité maintenant, pas refaite, avec des rondeurs un peu, tu vois, une grosse poitrine qui tenait pas forcément bien droit et tout. Et elle se foutait à poil tout le temps, elle s'assumait. Et au moins, ça renvoyait cette image de faut pas être skinny avec des gros seins en plastique pour réussir. Donc, réussir. Percée dans la télé-réalité en tout cas. Ouais, ou dans le porno, donc visiblement. Oui, bon, après, bon, elle m'a déçue après. Nathalie, en tout cas, on te le prend complètement. Et d'ailleurs, on t'embrasse. Bah merci, moi aussi je vous embrasse. Et toi ainsi que toute ta famille. Bisous Nat. Merci. Bisous. Thibaut Alaréa, est-ce que toi tu te souviens d'une scène qui a pu te choquer en télé-réalité? Ouais, moi c'était quand Mohamed de Koh-Lanta, il voulait tuer absolument une chèvre qui était enceinte. Ah mais je me rappelle, il avait pété un câble avec une machette, ça avait choqué tout le monde. Mais ouais. Mais en vrai c'était hyper violent, enfin je sais pas si... Ah bah oui, je me rappelle. Et un rebeu quand ça meurt de faim, c'est très dangereux. Oui. C'est Amir qui le dit, hein, c'est pas nous. C'est le ramadan en ce moment, faites attention. Oui Thibaut. Non mais si vous voulez, du coup là j'ai retrouvé le son quand il dit ouais je vais tuer la chèvre et tout. Vous l'écoutez? Vas-y. Bah je crois qu'on a pas le choix hein. Demain on va lui couper la tête et on va la vider et on va la manger. Et c'est normal, c'est la survie hein. Mais c'est vrai que moi je suis sensible et... C'est horrible quand même, le gars dit on va lui couper la tête. Après voilà, c'est... ça avait fait polémique parce qu'il y en a qui comprenaient aussi, ils avaient besoin de manger. Bon bah tout le monde n'est pas attaché aux bêtes comme nous. Hein. Et comment ça s'est passé? Il s'est dégonflé après ou il l'a pas fait, c'est ils ça? Ils l'ont interdit je crois. La ouais, produit. En fait dans le camp rouge il y avait un mec qui était berger et ils ont fait venir le gars du camp rouge dans le camp jaune et il a dit les gars, elle est pleine cette chèvre, on peut pas la tuer. Et ouais. Du coup, il a dit faudra me passer sur mon corps, j'ai une machette qu'on vient de me la prendre ma chèvre. Oui, yaya. Mais surtout, c'est la responsabilité, c'est la production qui diffuse ces images-là. Oui. Ça fait un buzz parce qu'elles sont diffusées. Si elles ne sont pas diffusées, il n'y aurait pas de buzz. Non, mais ils ont tout à gagner à la diffuser. Par contre, ils auraient eu tort de laisser faire Mohamed. Quoi. Là, pour le coup, ça aurait été terrible. Et mon yaya, il en a rien à foutre. Il jette des pavés dans la mare. J'avoue. Hein. Il ose, hein, il y va. Et l'autre, il risque de se mettre toutes les prods à dos. Mais il va. Et moi, je balance. Allez. Sur la production. Arnaud nous a appelé à Lyon. Bonsoir, Arnaud. Salut Marianne, salut toute l'équipe. Salut. Ça va Arnaud? Ça va et vous? Oui Bichon, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a choqué toi? Alors moi ce qui m'a choqué, le truc le plus ouf que j'ai vu, c'était dans The Iceland et quand ils voulaient tuer un crocodile. Ah mais ils l'ont fait d'ailleurs ça non? Je me rappelle plus, non ils l'ont pas fait. Non ils l'ont pas fait hein, non. Ah parce que ça avait, c'est un peu comme Koh-Lanta. Effectivement en plus ça c'est récent, ça date d'il y a quoi, 2 ans je pense à peine hein, pour la première saison de The Island. Et donc effectivement ils avaient faim, ils devaient s'en sortir par eux-mêmes et ils ont tout fait pour tuer, attraper un crocodile. Ouais. Et ça avait choqué tout le monde parce que là pour le coup c'est quand même un animal protégé et tout. Et pour le bien d'une émission télé tu ne fais pas ça. Et comme il y a pas de prod sur place ils l'auraient laissé faire. Hein. Donc après visiblement ils l'ont fait hein, quand même. Hein. Je crois qu'ils l'ont fait. Les femmes ont tué un caïman. Wow. Je crois hein, qu'ils l'ont fait. Mais à mon avis ça n'a pas été diffusé en tout cas. Enfin je l'espère. Mais moi j'avais entendu que ça s'était passé. Ouais c'est dur. Hein. C'est dur, ça pour le coup moi je valide pas et je peux comprendre que ça puisse choquer surtout un jeune public. Après effectivement, alors en plus moi je suis vraiment une vraie femme pour la protection des animaux etc. Mais en même temps t'envoies des gens sur une île et tu leur dis tu te débrouilles par tous les moyens que tu veux mais tu dois survivre. Tu peux pas dire ouais mais t'as pas le droit de tuer les caïmans, t'as pas le droit de tuer les chèvres, t'as pas le droit machin. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Oui je comprends mais d'où les limites du programme tu vois à un moment donné tu les emmènes dans une île où il y a pas d'animaux comme ça protégés. Enfin c'est abusé. Peut-être. Exactement. Ça doit être encore un coup de la production. Hein. Ah, mais ça. N'hésite pas à balancer Gaillard. Arnaud on t'embrasse mon chat. Ça marche, bisous les filles. Bisous. Enzo, est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a choqué vu que tu regardes beaucoup la télé-réalité? Ouais, moi, c'est pas réellement de la télé-réalité, mais c'est quand Steve Harvey, je sais pas si vous connaissez le présentateur de Miss Univers, là, le Renoir avec la moustache et les dents blanches. Le Nikos Destate. Ouais. Voilà, c'est ça, le boss. Quand il s'est trompé pour Miss Univers, quand il a. Ouais. Alors, effectivement, mon chat, il s'était trompé de prénom, ça avait fait polémique, mais enfin là, on est en pleine période d'examen, je te mets hors sujet. Hein, c'est pas une émission de télé-réalité. Non. Oui, mais c'est un moment qui m'a choqué en télé. En télé? Oui, mais c'est un peu de la télé-réalité, non? Ah non, les élections de Miss, ça n'a rien à voir, c'est très populaire. Mais... Oui, mais est-ce qu'une Miss France est réelle? Oui, mec. J'en ai jamais vu. Vous avez 4 heures. En tout cas, c'est vrai que c'était une sale histoire pour lui. Hein. Ouais. Victor nous a appelé, il est à Rouen. Bonsoir à toi, mon Vicky. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir à toute l'équipe. Salut. Ça va Vicky? Hello. Bah, ça va plutôt bien. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui t'a choqué toi? Alors moi j'ai un truc un peu plus, enfin un truc vraiment aberrant comparé à tout ce qu'on a parlé maintenant je pense, par rapport à ce que vous avez dit. En fait je sais pas si vous vous souvenez de Zelko. En fait j'en ai entendu parler, je sais pas si vous en avez entendu parler. En fait dans un reportage sur M6 dans 66 minutes, ce qui se passe en fait, le pauvre, en fait en gros il a fait une télé-réalité en Serbie. Big Brother, tout à fait. Et en fait ce qui se passe, en gros il était là pour faire jouer le séducteur français tout ça. Et en gros il s'est fait blincher, il s'est fait taper par les candidats. Il y en a une qui a voulu carrément le planter à coups de fourchette. Enfin un truc de fou quoi. Exactement. Et il a dû carrément demander à sa mère en live de le sortir de l'émission avec un avocat. Et en plus ils l'ont foutu au mitard quoi. Donc Ouais, alors ça, en fait, c'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est... Pour expliquer ce qui s'est passé, mon pote, c'est qu'en Serbie, là-bas, tu signes un contrat et tu n'as pas le droit de sortir si la production ne le décide pas. Donc, clairement, on appelle ça une séquestration. Ouais. Zeljko, c'était le jumeau de Zarko, c'est ça ? Il y en avait deux. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, voilà. Je disais Jeko, mais. Ouais, ou Jeko. Et donc, ils avaient fait Secret Story en France. Du coup, comme ils sont serbes, lui, il avait essayé de percer en Serbie et il s'est retrouvé là-bas séquestré alors qu'il se faisait frapper et maltraiter par tout le monde. Impossible pour lui de sortir. Évidemment, rien n'était diffusé. Donc, pour le public, tout allait bien. Et ça a été très très très loin. Il a dû faire effectivement sur un prime une demande en larmes à sa mère, sortez-moi de là. Enfin, mais c'est quand même, on est d'accord que c'est quand même une honte. C'est-à-dire que tu participes à un jeu, mais t'es encore maître de ta vie. Et si t'as envie de sortir, tu sors quand même. Ouais. Heureusement, en France, il y a quand même des règles, des lois, et c'est bien plus cadré que ça. Mais quand même, c'était assez choquant. Et je l'ai vu, le même reportage que toi sur M6, mon pote. Ah ok. Ouais, ça m'a, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est... Bah écoutez, Victor, Marion, je vous invite à faire un petit plateau télé incessamment sous peu. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on en parle ensemble, parce que c'est vrai que j'en ai pas dormi pendant 2-3 jours. Victor, on t'embrasse, Bichon, merci de nous avoir appelé. Je peux vous dire un petit truc, les filles ? Bien sûr. En fait, j'ai une petite idée pour Anso, par rapport à sa couleur. Mm-hmm. En fait, pourquoi vous changez pas, en fait ? Vous échangez pas les couleurs ? Alors je t'explique, moi j'ai le teint pâle et j'ai des sourcils noirs, donc si je me mets blonde, je vais faire peur comme Jaja. Ouais, mais drôle. Moi je te l'ai dit, je trouve que c'est rigolo. Ouais. Bon, visiblement ça ne fait rire personne, Victor. Moi je le sens pas, mais je vais y réfléchir quand même. Ok, ça marche. On t'embrasse, Victor. Bisous, les filles. Bisous à toi. Bisous, et on va évidemment demander à Pépère, parce que Amir, ouais. Toi, tu regardes pas la télé-réalité, t'as pas de réaction là-dessus. Non, je regarde jamais la télé-réalité. Après, quand il y a des buzz qui tournent, toujours je tombe dessus. Le truc avec le vin, là, ou le raisin, je sais pas quoi. Ah oui, sur les anges, oui, ouais. Avec le raisin jeté au visage de Mélanie et tout, c'était très drôle. Oui, mais c'est ça, avec Amir, nous on a cette passion commune de l'information, mais après. Pépère, lui, je suis sûr, il s'y connaît, il regarde la télé-réalité. Oh, dis-nous. Là, moi, j'adore. Hein, oh là là. J'adore. Oui, bah en fait, Pépère, il a une exclusivité pour vous, chers auditeurs de Fun Radio, et vous, l'équipe. J'ai vu en exclusivité la nouvelle saison des Ch'tis. Ah, sur W9. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ça va s'appeler Les Ch'tis dans la Techa. D'accord. Et si vous voulez, je peux vous chanter éventuellement un générique. Ah, bah, avec plaisir. Ouh, ah, les Ch'tis dans la Techa. Ouh, ah. Dans la Techa, y a les Ch'tis. Ah, et c'est pas mal le concept. Oui, c'est la variante. Bah, Pépère est composite. D'accord. Ah, oui. Merci, Pépère. Ah oui, je suis gênée. Ah, oui. Non, moi aussi, je suis tellement mal à l'aise. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va recevoir Théo Gordy et Shake Up. C'est à l'occasion du grand casting Yop. On va tout vous expliquer dans un instant. Et on se retrouve là juste après Yellow Claw sur Fun Radio. Let's take a moment and see how far we can explore. Open your door. Bottle rockets are blowing. Hands are exploring. Position myself how you like. Whiskey makes me controlling. I give you nothing. Let go. Tell me nothing, show me nothing. soir, Marion Yenso reçoivent Théo Gordy et Shake Up pour le Night Show. It's the Night Show. On Fun Radio. Tout à fait, ce sont deux youtubeurs qu'on aime beaucoup qui participent à une opération dont on est très fiers, Théo Gordy et Shake Up. On va les accueillir comme il se doit. Ouais. Théo et Shake Up. Théo et Shake Up. Théo et Shake Up. Voilà, quand vous êtes deux, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais globalement, on s'en sort sans avoir répété. Bienvenue les amis. Merci, merci. Salut. Alors, on va vous présenter, vous êtes tous les deux youtubeurs. Donc toi, Théo Gordy, tu as 501 000 abonnés exactement sur ta chaîne, qui exactement. Porte ton nom. Oui, c'est ça. Tu fais quoi sur YouTube, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore? Je fais de l'humour, du divertissement, du vlog, voilà, toutes sortes de choses en fait. Tout ce qui te vient, tout ce qui t'inspire. Exactement. Et toi, c'est un peu la même chose, Shake Up? Oui, bah, tout à fait, comme Théo, c'est du divertissement, donc ça va être du podcast, ça va être des mises en situation, de choses qu'on va tous vivre dans la vie. Enfin, c'est assez varié, donc voilà. 444 000 abonnés pour toi, on dit bien Shake Up. On dit Shake Up, c'est ça. Voilà, le mais Shake Up, non. Ouais, il y a plein de gens. Ça fait un peu de Shaker. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il y a plein de gens qui t'appellent comme ça, Shake Up. Ouais. Alors peut-être pour ceux voilà, qui débarquent vraiment dans le monde d'aujourd'hui, elle ne s'appelle pas vraiment Shake Up. Elle a un prénom. Hein. C'est un blaze. Non, en fait, elle s'appelle vraiment Shake Up. Non, c'est Charlène, c'est ça? C'est Charlène, oui. Et du coup, pourquoi Shake Up? Ça t'est venu comme ça? Ouais, j'ai commencé ma chaîne il y a un petit moment, il y a avoir 3 ans, et je pensais que je pouvais être capable de faire du make-up. Et ah, pas du tout, en fait. Charlène, make-up, ouais. Pour ah oui, effectivement, et la contraction ouais. est sympa. Alors, de 3 vidéos make-up, j'ai abandonné. Tu es très bien maquillée. Ah, je te le dis, ça peut te faire plaisir et te rassurer. Bon, en tout cas, vous venez nous voir tous les deux parce que vous participez, enfin, vous êtes comme nous d'ailleurs. Vous allez faire partie du jury du grand casting Ta vie puissance Yop. Alors, c'est génial. Si vous avez envie d'être le youtubeur de demain, eh ben, vous pouvez participer sur yop.fr. Il suffit de poster une vidéo et il y aura une grande finale le 9 octobre prochain. Ce sera au Trianon avec la présence de Black M, de vous deux, de Marion, de Hanso. Ça va être une grande soirée géniale. Et sachez qu'avec Marion, on élit un petit peu notre coup de cœur. D'ailleurs, oui. Carrément notre coup de cœur tous les mardis soirs dans l'émission. Et on va appeler notre gagnant ou notre gagnante tout à l'heure avec vous pour lui annoncer que c'est notre coup de cœur déjà et puis qu'en plus ce coup de cœur gagne un pack starter pour se lancer sur YouTube. Ouais, il est hyper stylé le pack en plus. Il y a une caméra, il y a la lumière, il y a tout ce qu'il faut dedans pour débuter. Allez-y, il y a toutes les infos sur yop.fr. On va appeler le ou la gagnante tout à l'heure. Mais avant, on va jouer ensemble. On a plein de choses pour vous. On a de la question aussi au standard. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à tout le monde? Oui, c'est très parti. Bien. Allez. Alors, Pauline est avec nous à Pornichet et je sens que Pauline, elle est super stressée parce qu'elle est complètement fan de toi, Théo. Ok. Bonsoir, Popo. Salut tout le monde. Salut, Pauline. Oh là là. Je suis trop stressée. Mais non. Tu vas bien? Oui, toi? Oui, ça va, merci. Oh, ça, c'est Burr, elle pleure. Oh non, Pauline, tu pleures pas quand même. Tu pleures, ma biche? Oh, mais non, Pauline. Pleure pas. Pour dire ça, oh là là. Vas-y, encore, pleure. La pauvre. Pauline, respire, Théo est là, il t'écoute. En plus, il a une tête de gentil chat. Oui. Alors, vas-y, t'inquiète, no stress. Alors, c'est quoi ta question, Bichette? Bah, moi, je voulais savoir, c'est quoi ton plus grand souvenir par rapport à YouTube? Oh, c'est dur, ça, attends. Ah non, mais j'en ai un. Ah, bah, vas-y alors. En plus, on en parlait avec Charlène tout à l'heure. Mais je crois que la musique, ça, c'est vraiment dépressif, quoi. Non, c'est émotion. Alors. Ah ouais. Bon, du coup, en fait, mon meilleur souvenir. C'était quand on était l'été passé, on est parti en Croatie en fait, en vacances ensemble. Oui. Et puis bah, pareil, c'était pour faire la fête en fait. Et c'était, bah, voilà, c'était trop cool. C'était un. Des vidéos, on a fait des vlogs et ouais, on devait poster sur Instagram. Ouais, c'était un de nos meilleurs souvenirs ensemble, je crois, c'était de la folie. Ah, mais pas forcément, le voyage est sympa. Hein, le voyage crée du bon souvenir. Hein. Ah, en plus, il la regarde, j'ai l'impression qu'il va la choper. Là. Ah, mais on est en couple en fait. Justement, moi j'ai une question par rapport à ça. Et vous étiez amis avant YouTube, c'est YouTube qui vous a fait vous rencontrer. Qu'est-ce que c'est que cette relation comme ça fusionnelle? Vas-y, raconte. J'y vais. Vas-y. C'est parti. Bah, c'était Théo en fait qui m'avait contacté parce qu'il trouvait que mes vidéos étaient pas mal, mais je pouvais les améliorer. C'est drôle. Donc il m'a donné des conseils et puis bon, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, on s'est retrouvés par hasard ensemble à Disney. On travaillait tous les deux là-bas et on s'est retrouvés dans la même attraction, vraiment collés l'un à l'autre sans avoir rien pensé à l'avance. D'accord. Hey, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la musique. Et petite question indiscrète. Bon, bah, cette aventure Yop, on vous a pris tous les deux. Il y en a un qui a entraîné l'autre dedans, genre je ferai rien sans Shake Up ou l'inverse. Ou c'est vraiment une proposition qu'on a fait parce qu'on aime bien votre complicité. Bah ouais, on fait. C'est en fait, on est tout le temps à deux. Hein. On est un duo un peu. Ouais, enfin, vous avez vos chaînes respectives, donc. Oui, mais quand même. Ah bon, on les sépare pas quoi. Non, c'est pas on possible. On sépare Pathé au Gordier chez Cap. D'accord. Et ben en tout cas, c'est cool. Franchement, c'est une belle aventure. Et pour l'instant, ça vous plaît, c'est cool. Vous voyez un petit peu les vidéos, vous trouvez qu'il y a du niveau. Racontez un peu. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment cool. Après, il y a de l'avenir. C'est vrai que j'ai l'impression que les premiers compostés ont le plus de likes. Donc, bah oui. Mais bon. Non mais c'est pas grave, après on est là aussi pour booster les autres, ça, continuez, ouais. Postez vos vidéos sur yop.fr. Pauline ma chérie, on t'embrasse très très fort, j'espère que tu as séché tes larmes et on t'envoie une grosse dédicace de la part de Théo, il va te signer ça, d'accord ? Gros bisous Pauline. Est-ce que je peux avoir ton follow sur Twitter ? Oui pas de soucis, bah tu m'envoies un tweet alors. Ok. Ok. Merci. Bisous. Rien, bisous. Bisous popo. Bisous et nous, on va jouer ensemble dans un instant, là j'ai pas le temps de le faire là Thibaut. Là, on a trois petites minutes, si tu veux. Trois petites minutes, j'ai pas le temps, donc on va se refaire une petite question. Parce que j'ai envie de le faire bien. C'est vraiment le truc qui va me faire marrer de la soirée. Je vous le dis, l'un d'entre vous va s'afficher. Eh bien, je vous propose de vous emmener à la capitale. Allez. Hein, c'est Laurine de Paris. Bonsoir, Laurine. Bonsoir. Ça va, Laurine? Oui, et vous? Oui, très bien. Elle est pour qui, ta question, toi? Charlène. Bonjour, Laurine. Bonjour. Alors, on t'écoute. C'était pour savoir quel est le cadeau le plus fou qu'un abonné t'a offert. Le plus fou? C'est trop bien. Bah en fait, mes abonnés, bon, c'est pas fou, mais c'est rigolo. Ils aiment bien offrir des cadeaux pour mes chats. Donc ça m'est arrivé d'en venir avec un arbre à chat de la Vidéo City. Donc voilà. Non, mais et aussi, Charlène, on t'offre des cornichons. Oui, aussi, oui. Bon, ça, c'est et pourquoi? Une autre histoire. Mais pourquoi? Parce que j'avais une. Oui, j'étais très fan de cornichons. Moi, je les suis toujours. J'en parle un peu moins parce que c'est vrai que tout le monde m'offrait des pots de cornichons. J'en fous avec peut-être 20 pots de cornichons après mes meet-up. Mais oui, je mange beaucoup de cornichons. C'est un peu mes bonbons. D'accord. N'empêche que sans déconner, un arbre à chat, c'est super cher. Franchement, c'est un abonné cool, hein. Ouais. Des petits arbres à chat. Ouais, ouais, c'est une miniature le dos. Ah ouais, en fait, c'est de la merde. Voilà, Bichette, t'as ta réponse. D'accord. Bah, je voulais dire aussi que j'aime fort Théo. Merci, ma biche. T'es Laurine Gordy, c'est ça? Bah oui. Bah oui, bah, je t'ai reconnu. Ah bah voilà, mais c'est une grande communauté, tout le monde se connaît. Mais oui, Laurine, on t'embrasse ma chérie, merci de nous avoir appelés. D'accord, bisous. Bisous. Bon, vous restez avec nous tous les deux, puisque effectivement, Marion vous le disait, on vous a préparé un jeu dans un instant. Vous allez vraiment pas être déçus d'être venus dans le Night Show ce soir, je vous le dis. Okay. Et vous, derrière votre radio, sachez qu'on va se mettre en Facebook Live sur la page Facebook Marion et Anso. Ne bougez pas, on se retrouve juste après This is La Peste. Oh là là. Clairement le son préféré du Night Show. Ah oui. T'as tout mis, t'as tout donné. T'as payé le prix, t'as encore tout raté. T'es triste et t'es tout seul, ils comprennent pas. Tes risques et tes coups de gueule, encore moins tes choix. T'as tout dit, t'as trop parlé. Et c'est fini, t'as encore tout gâché. T'as honte et t'es tout seul, tu veux pas rester. Aller loin car tu t'en veux, et ne plus rentrer. y en aura sûrement d'autres. Jamais d'entracte, trop de charge sur ton dos. On t'a déjà dit que t'étais quelqu'un de merveilleux. On t'a déjà dit que t'étais quelqu'un de merveilleux. On t'a déjà dit que t'étais quelqu'un de lumineux. On t'a déjà dit que t'étais quelqu'un de lumineux. T'as connu pire, tu feras mieux. Et ça va aller. Oh, maman. Théo Gordy et Shake Up sont avec nous. Théo Gordy, petit extrait, c'est ça? Si j'ai envie d'écouter telle radio, j'écoute telle radio. Voilà, allez voir sa chaîne YouTube si vous en voulez plus. Et pour Shake Up, j'ai ça à vous proposer. Super. Je l'adore, hein. C'est Zuber. Tellement ce que tu dis tout le temps, ça, en plus. Zuber. Ah bah voilà, Zuber. J'aime beaucoup. On va appeler le ou la gagnante qui est déjà en ligne d'ailleurs, hein, puisque je vous le rappelle, vous êtes là pour le grand casting Ta Vie Puissance Yop qui vous permet de devenir le youtubeur de demain. Comme chaque mardi, on va appeler celui ou celle qui nous a convaincus là sur ses vidéos pour lui offrir son pack starter. Exactement. Et c'est une gagnante. Elle s'appelle Sarah. Elle est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut. Ça va Sarah? Salut Sarah. Ça va. Alors, Sarah, est-ce que tu peux raconter un petit peu à la France quel type de vidéo tu as fait, toi? Alors, moi, j'ai fait une vidéo. Alors, le thème, c'était quand... Pardon. Quand tu t'es sentie un peu trop frais, non, c'est ça? Oui. Ah, voilà. À et c'était sur quoi? À la photo alors, de classe. Donc, en fait, le thème de ma vidéo, c'était avant la photo de classe. On se sent super frais et tout. Mais après la photo de classe, quand on reçoit la photo, c'est pas du tout ça. Mais tellement. C'est tellement vrai. Non, complètement. Moi, ah non, c'était une catastrophe. À chaque fois, on est déçus et les parents, ils font semblant qu'elle est stylée pour l'acheter et tout. Mais en vrai, ils sont dégoûtés de nos saletés. Encore pour la photo dans le salon. Mais vous l'achetiez? Bah, en vrai, quand tes parents, t'es vraiment un crevard, si tu l'achètes pas. Bah, évidemment, moi, je les ai toutes. Hein. Moi, je les prenais en photo et après, je les imprimais. Oh là là, c'est pas possible de faire des trucs comme bonne ça. Technique. Et bah, et en tout cas, Bichette, Sarah, ta vidéo nous a fait marrer, nous a rappelé un petit peu comme ça nos années lycée. Donc, merci pour ça. Et on t'offre ton pack starter grâce à Yop. C'est pour toi, ça va partir à la maison. Wow. Ouais, tu as kiffé. Je suis heureuse. Grave, ça, ouais. En fait, c'est un ouais pudique. Mais chérie, tu gagnes quand même ta caméra, tout pour débuter, les accessoires et tout. Vraiment, c'est énorme. Et peut-être que tu seras la grande gagnante du grand casting. Hein, pourquoi pas? J'espère. On sait jamais. Et ben Sarah, on t'embrasse très très fort. Bon courage si t'as des examens à passer et tu repasses quand tu veux sur Fun Radio, d'accord? Bisous. Ok. Bisous. Et nous... Oui? Oula, bah tu l'as coupé la chic. Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais essayer une petite dédie. Allez, fonce. Alors, Gang Cocophile, Cécile, Marion, Alicia, Diana. Donc il y a Cécile qui vous dit, les youtubeurs, qu'elle vous aime beaucoup. Ok, et ben, le message est passé. Merci Bichette, on embrasse tout le monde et nos invités restent avec nous 01 42 48 5000 pour leur poser des questions. Super. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Edia. Jadid. Kaigo et Ellie Goulding. Diablo. La radio qui joue le plus de nouveautés. C'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Merci d'avoir fait tomber mon téléphone dans les toilettes, la soirée mythique. Et merci d'avoir renversé mon cocktail sur Pierre. Sans ça, on se serait jamais rencontrés. Merci maladresse. Rencontrez-vous aux soirées mythiques en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique. Love your imperfections. Fun Radio présente l'Electro Sound Festival. L'Electro Sound Festival. Le 1er juillet, pour la première fois sur la scène du théâtre de plein air à Colmar. Retrouvez les plus grands artistes électro du moment. Sound of Legend. Eva Simons. Timmy Trumpet. Bilal. Et Riyab. Fun Radio. Partenaire de l'Electro Sound Festival de Colmar. Okay, infos et réservations, point de vente habituel. Electrosoundfestival.com et funradio.fr. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. W9 et Fun Radio présente Moundir et les apprentis aventuriers. Salut, c'est Moundir, de retour pour une aventure unique. C'est en Thaïlande qu'il va accueillir 12 candidats parfaitement inadaptés à la survie pour le défi de leur vie. J'ai pas mangé, j'ai pas pris ma douche, j'en peux plus déjà, ok ? Vivre sur une plage déserte, sans strass ni paillettes. Je suis une grande aventurière. C'est pas gagné. Moundir et les apprentis aventuriers, la télé-réalité d'aventure. Mais pas que. Du lundi au vendredi à 18h55 sur W9 avec Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Shake-up sont les invités de Marion Yanso dans le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Ce sont les égéries du grand casting Ta Vie Puissance Yop. Toutes les informations pour y participer sur yop.fr. Et les amis, nous allons jouer ensemble. Vous êtes youtubeur, ça on le sait. Parfois vous faites des vidéos tous les deux. Et il y a quelques mois, vous avez fait une vidéo où vous deviez deviner l'âge des youtubeurs. Vrai ou faux ? Ouais, exactement. Ouais. Bon, c'était sympa. Moi, elle m'a fait marrer cette vidéo. Du coup, on s'est dit, on va vous proposer ce soir une petite variante. Vous allez devoir deviner l'âge de plusieurs personnalités. À chaque fois, celui qui sera le plus proche aura un point. Ok ? Okay. À la fin, on fait le cumul des points. Et celui qui est le plus mauvais devra porter cet écarteur de bouche qui te donne l'air con, mais comme jamais, et expliquer le principe du casting Ta Vie Puissance Yop. Ah ouais ? Ah ouais, alors effectivement, t'as l'air con parce que quand tu parles avec ça, déjà on comprend rien. Et en plus, bon bah physiquement, c'est ridicule. Branchez-vous sur la page Facebook Marion et Hanson, vous filmez tout évidemment. Soyez bons. Ah, parce que c'est filmé en plus ? Bah super, oui, c'est filmé. Super. Et c'est en live pour que les gens puissent suivre ça comme ça en direct. Ah, c'est bien fait, c'est 2.0. Hein. Ah oui ? Allez, c'est parti, première question. Enzo, tu es où ? Viens là. À votre avis, quel âge a Enzo qui travaille avec nous ? Honneur aux filles, shake up. Il y a un piège. 24 ans. Ok, Théo, tu dis combien? 26. Je donne le point à Shake Up puisque c'était 22. Oh, mais... hey, tu fais plus vieux que ton âge, hein? Mais non, sérieux? Mais je l'avais toujours dit. Hein. Calme, bien joué. Un point pour Shake Up. À votre avis, quel âge a Anso ici présente? Oh, y a pas de piège là. Attention, on évite de la vexer. Allez, Shake Up, vas-y. Attention, soyez quand même indulgent, indulgent. Mais bon, dites ce que vous pensez. Je dirais 30 ans. Ok, et toi, Théo? Moi, je partirais vers 27. T'es très mauvais, toi, mon pote. Hein. Non, arrête. C'est 33. Non, 33, pas... les gars. Cela dit, pas. Pas exprès, hein. C'est un compliment. Hein. Ouais. Enfin, bon. Je suis trop nul. Déjà, la dernière fois, j'étais nul. Et oui, tu le vois, l'écarteur ou pas? Il arrive, mon pote. Hein. Je m'échauffe, je m'échauffe. Troisième question. Quel âge, à votre avis, a Teddy Riner? Ça, c'est dur. Ça, hein. C'est moi, je suis incapable de lui donner un âge. Moi, je vois. Teddy Riner. Moi, je pense qu'on lui donne toujours plus que ce qu'il n'a. Moi aussi. C'est sûr, même. C'est sûr. Grand sportif, Teddy Riner, à votre avis. On va commencer par Théo. Je dirais qu'il a 33 ans. Ouh là. D'accord. Là. Et toi, Shake Up? Ah non, il fait plus jeune que ça, Théo Dudor. Bah, tu vas 25 ans, Théo Dudor. Ah non, tu dis des conneries. Eh bien, elle dit pas tant de conneries que ça, puisqu'il a 28 ans. Je crois que j'ai dit. Théo, j'ai pas envie de te péter ton délire, mais comme on dit chez moi, ça pue du cul. Hein. Ça fait 3-0 pour l'instant, mais on va continuer, on ne sait jamais. À votre avis, quel âge a Whitney Houston? Ah bah, elle est pas d'âge, puisqu'elle est morte. Oh oui, ouais. Heureusement que t'es là parce que Shake Up elle cherchait dans sa tête. Hein. Je donne le point à Théo du coup. 3-1. Le chanteur et coach dans The Voice, Mika, est-ce que ça vous parle? C'est ouais, difficile de lui donner un âge, hein, alors Shake Up. Je dirais 35 ans. Moi je dirais 40 ans. Mais n'importe quoi, enfin Théo il a 33 ans. Mais il vieillit tous ces gens comme ça. Mais bah non, là, mais je me dis avec la télé, le maquillage et tout, tu vois. Alors non, déjà sur YouTube. Je vous le dis, c'est plié. Ce sera Théo qui va porter l'écarteur. Mais pour le plaisir, la dernière, c'est pour tous les darons qui nous écoutent. Petite dédicace. Quel âge, à votre avis, a Charles Aznavour? C'est dur. Hein. Vous pouvez taper haut. Allez-y. Non, c'est facile. Ouais, c'est la plus vieille personne de France. Non. Alors, j'ai 89 ans. Et toi, Théo? Moi, je dirais 90 ans. Bien, Théo, c'est 93. Yes. Bon, ça va. Perdu, hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on termine à 4-2. Mais finalement, 2 points, c'est pas si pire. Alors, tu vas me mettre ça dans la bouche. Tu vas voir, c'est très désagréable. Alors, il est rouge, le nôtre. On l'avait déjà utilisé, mais rassurez-vous, il est désinfecté. Ouais, on l'a nettoyé. Enfin, on l'a passé sous l'eau. Quoi. J'espère, ouais. Non, désinfecté et tout. Vous avez vu, Théo l'a reniflé quand même. Il l'a reniflé pour être sûr. On sait pas, tu sais, les Donc, odeurs. Il faut bien mettre ça en interne, comme ça. Ah, là, ça va bien. C'est très difficile à mettre. Hein. Non. J'arrive pas, je crois que j'ai une trop petite bouche. Mais non, c'est facile. Tout le monde peut. Vas-y, vas-y. Ouais, alors, allez. En fait, non, il n'y a pas les dents, juste les lèvres. Les lèvres. Bah oui, non, mais c'est mes lèvres, ça. Vas-y. Il faut que ce soit au-dessus des dents, en dessous des lèvres. Il y arrivera pas. Allez, concentre-toi. On est en Facebook Live sur Marion. Voilà, c'est bien. Tu y es presque. Okay. Et ça y est, il l'a mis, l'écarteur de bouche. Il est magnifique. Merci. Prenez-moi des photos, des snaps, les amis. Je compte sur vous. Tiens. Allez, vas-y, tu peux expliquer le principe du casting, ta vie puissance Yop. La France t'écoute. Voilà. Bah oui, tu baves, hein, mon pote. Jusque Hang Zut. Attends. Vous allez participer au casting. Oui. Ok. Pour ça, il faut que. Allez, on t'écoute. Il va baver, il a craché. Ça fait mal quand je rigole, c'est horrible. Tu le remets, je veux l'explication. Les gens n'ont pas compris ce que c'était que ce concours enfant, okay, Théo. Allez. Pour ça, il faut. Oui, il faut faire quoi? Sur yop.fr, tout à fait. Exact. Hein. Et il y a plusieurs catégories, non? Ouais, regarde. Quand tu réussis. C'est une catastrophe. Hein. Quand c'est la galère. Non, mais le pauvre. En catégorie liée. Bah oui, c'est clair. C'est clair, voilà. Mon pote, arrête-toi là parce que vraiment, c'était déjà pas mal. Et le pauvre, il bave et tout, c'est juste dur. J'arrive pas à l'enlever. Bravo, Théo. Écarteur de bouche, c'est un supplice, hein, je vous assure, il arrive pas à l'enlever. C'est horrible ce truc. Ah, j'en pleure, moi. Ah, c'était très drôle. Bravo à toi et surtout bravo à Shake Up qui t'a mis la raclée, hein, clairement. Laura est à Brest, elle a une question pour toi, Shake Up. Bonsoir, Laura. Salut tout le monde. Ça va, Laura? Salut, Laura. Oui, ça va, et vous? Oui, on t'écoute pour ta question. En fait, je voulais savoir si Charlène t'avait des conseils pour se lancer sur YouTube. Bah écoute, le conseil, je pense que on donne tous, et ça va te paraître un peu bateau, mais c'est de rester soi-même et de pas chercher à jouer un rôle. Et voilà, en fait, c'est comme ça que les choses vont se passer. Et ne pas se forcer, parce que ça se voit aussi quand tu fais les choses, bah pas par plaisir. Donc voilà, faut se lancer pour savoir si on aime, et puis bah si on aime, on continue, et on est encore là 3 ans après. Et il faut faire que des thèmes qu'on aime, hein. Ça sert à rien de faire du make-up alors qu'on n'y connaît rien, voilà. De l'humour alors qu'on n'est pas drôle. Enfin, va dans quelque chose qui te parle, quoi. Mais en plus, il y a souvent cette question qui revient, mais en même temps, tu prends pas de risque. Au pire, tu postes ta vidéo, bon bah tu fais 4 vues, c'est pas grave. C'est ça. Ah oui, voilà, si hein. Ça te plaît. Voilà. Oui, et pour le coup, si tu veux vraiment te lancer, et ben franchement, ta vie puissance Yop, ça peut te permettre de le faire. Voilà, donc tu vas voir un peu ce que les gens pensent, si t'as des likes, si nous on aime bien dans l'équipe, si tu peux progresser. Donc vas-y, c'est gratuit, y a pas de souci. Hein. D'accord. En plus, j'imagine que t'as tout compris parce que Théo l'a quand même très très bien résumé il y a un instant. On t'embrasse très fort, ma chérie. Merci de nous avoir appelé. Je peux faire une petite dédicace ? Oui, bien sûr. Vas-y. Bah, je fais une dédicace à Fanny, ma meilleure amie. Je l'aime plus que tout et je lui promets qu'on se reverra vite. Oh, beurre. Bisous, Laurent, t'embrasse. Bisous. Ciao, ciao. Et restez avec nous puisqu'on va encore jouer avec vous dans quelques instants. On va faire encore 2 trucs. Vous allez répondre à nos questions. Alors Théo me regarde, il me fait pas ça. Hein. Non. L'écarteur, on le laisse de côté, t'inquiète pas. Mais en tout cas, vous allez participer à un jeu avec nous. Et puis, pourquoi tu m'appelles surtout ? C'est le jeu phare du Night Show. Et si vous avez encore des questions pour Théo Gordier et Shake Up, 01 42 48 5000. Pour le son, on écoute Bassada. On est ensemble en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. On est en direct, c'est Marion et Anso, le Night Show. Et petit point foot, juste avant de reparler avec nos invités, puisque la France a gagné face à l'Angleterre 3-2. Ah. Match amical, mais enfin victoire quand même. Bravo les Bleus, on est fiers. Voilà. Ouais, c'était au Stade de France, ils ont fait une entrée des joueurs hyper cool avec un hymne en hommage aux victimes de Londres et tout. C'était vraiment chouette. Franchement, félicitations à eux. Et nous, on est là en direct avec Théo Gordy et Shake Up, qui sont nos invités youtubeurs. Allez mater, allez vous abonner à leur chaîne YouTube. Franchement, ils sont frais, ils sont sympas, ils sont drôles. Ils sont, comme on dit, bons clients. Donc ça fait plaisir, on est ravis de vous avoir. Ben nous aussi, on est ravis d'être là. On est ravis d'être là. Théo et Shake Up, vous connaissez très bien, vous tournez régulièrement ensemble dans vos vidéos d'ailleurs. Du coup, c'est le moment d'en apprendre un petit peu plus sur vous deux. Okay. Je vais vous proposer des situations et vous allez me dire lequel de vous deux est le plus concerné par justement cette situation. Ah, okay. D'accord ? Cool, ok. Lequel des deux mange le plus gras ? Avant, c'était moi. Avant, c'était elle, mais elle fait un régime. Arrête, dis pas ça ! Bah si, attends, tu racontes à tout le monde que tu fais de... attention à ce que je mange pour pas avoir trop de... Non, mais tu sais, Shake Up, on est tous des filles, et en cette période de l'année, on est toutes un peu au régime. Enfin, elle a pas vraiment besoin, mais bon. Effectivement. Donc, c'est Théo qui mange le plus gras. Actuellement, oui. Eh ben, bel exemple pour la jeunesse. Non, non, regarde, lequel de vous deux a le plus de propositions amoureuses? Ah, ils se regardent. C'est néant chez les deux. Non, c'est faux. Alors, on est en couple tous les deux, donc on n'a pas de... Ah, genre, il n'y a personne qui vous envoie des petits messages, genre, je te kiffe trop, j'aimerais non, bien... Non, c'est Théo. Je pense que les filles sont plus expressives que les garçons, donc c'est Théo qui a le plus d'amoureuses sur YouTube. Bah, je sais pas, je peux pas vérifier pour toi. Donc. Bah non, je te dis qu'il n'y a personne. Ma pauvre. Bon, et bah tu vois, autant t'as pas eu de succès pour le sujet, pour le voilà. jeu de tout à l'heure, autant là, c'est toi qui as le plus de réponses, tu vois. Bah voilà. La roue tourne. Lequel de vous deux est le plus radin? Oh là, on n'est pas radin, nous. Non, on n'est pas du tout radin. On n'est pas que radin. Oh là là, oh là là, non. Ah non. Lequel de vous deux a déjà refusé un selfie à un fan relou? Oh là. J'ai jamais bah fait. Non, moi non plus. Ils sont sympas. Ouais. Bon, arrêtez. Ah non, non, je les vois pas du tout refuser des selfies. C'est les têtes de beurre. D'accord. On est des beurres. Lequel de vous deux, lequel de vous deux sent le plus des pieds? Vas-y, enlève tes chaussures. Non. Je sens que c'est toi, là. Moi, je pense que c'est Théo. Chez Cap, elle a pas une tête à sentir des... Attends, tu sous-entends, Marion, que Théo a une tête d'un mec qui pue des pieds? Plus que Chez Cap. Ah, c'est dégueulasse. Lequel de vous deux était le plus mauvais à l'école? Je sais pas, j'en sais rien, ouais, en fait. T'étais question. Comment, toi? Moi, j'ai fait littéraire. Ouais, moi aussi. Ah ouais, sérieux? Et vous avez votre bac? Bref, c'est pas le ouais. sujet, mais... Est-ce que vous avez votre bac? Oui. Ouais. Vous l'avez eu à combien? 13,45. Bien, pas mal, mention moi, assez bien. Absolument pas. Mention assez bien aussi, mais la note. C'est pas mal, ouais, franchement. Non, pas mal, là, pas mal, c'est... Ouais. C'est cool, vous avez des bons souvenirs de cette période de bac, des révisions et tout. C'était la galère parce qu'on est en plein dedans là. Ouais, ouais. C'était révision quoi. Moi je révisais à fond. Et vous faisiez déjà des vidéos YouTube à l'époque? Ah, pas ouais. du tout, non. Ah non, mais t'as quel âge toi? Moi j'ai 24 ans. Ah ouais, tu fais jeune. De YouTube un peu. D'accord, bah non, bah quand même, ça va. Lequel de vous deux s'est déjà servi de sa notoriété pour conclure? Non. Non, bah non, non, non, moi ça fait 11 ans que je suis en couple donc. 11 ans oui. 11 ans à 24 ans. Ah, bah ouais. Ouf, hein. Là, ça va faire 11 ans, ça fait 10 ans. Et là, Thibaut à l'arrêt comme ça. Et merde. Et merde. Attends, mais ça veut dire que tu t'es maquée à 13 piges. Ouais, et je suis toujours très amoureuse. Enfin, c'est le et il a le même âge que toi. Il a le même âge que moi. Oh, c'est beurre. Ah, dans la cour, vous êtes rencontrés dans la cour? Ah non, il était dans un autre collège, je suis allée chercher très loin quand même. Non, et franchement, c'est beurre. Ah ouais. C'est beurre, alors ça ne durera pas parce que bon, c'est beurre. C'est horrible quoi. Ça fait 10 ans qu'on nous dit ça. Et enfin, lequel de vous deux a déjà pété et accusé quelqu'un d'autre? C'est qui a pété? Oula, ah non mais. Si, ça on l'a déjà. Ah non, on l'a déjà fait tous les deux. On l'a déjà fait ensemble. Ouais. Ouais, vacances, tout le monde l'a déjà fait une fois. Oui. Bah non, personnellement, j'ai jamais fait. Mais enfin bon, bande de péteurs, je ne vous juge pas. Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous au Pourquoi tu m'appelles? Oui. Allez, vous êtes chaud? Je vais tout vous expliquer, c'est maintenant. Pourquoi tu m'appelles? Non mais vous avez rien à foutre quoi. Je me lève demain matin, je travaille moi, merde. Allez, c'est bon, ça me touche, raccroche là. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Alors, le principe est très simple. Déjà, sachez qu'on va se remettre en Facebook Live parce qu'on aime bien vous faire vivre aussi la radio par les images. Donc allez-y, la page c'est Marion et Anso, elle est certifiée, ne vous trompez pas. Et donc le pourquoi tu m'appelles, c'est facile, on appelle au hasard en France, il faut se faire passer pour la victime, genre mais pourquoi tu m'appelles, comme si on était dérangé alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est tenir le plus longtemps possible. Je vous propose de vous montrer l'exemple si ça te va, Anso. Ouais. Tu veux m'imposer une difficulté ou Oui, alors généralement le soir on impose des difficultés comme ça, ça permet aux auditeurs de gagner plus facilement. Et ben la règle s'applique également pour vous. Donc on va faire une difficulté que j'adore faire. Toute l'équipe du Night Show, vous avez tous un micro devant vous. Oui. Nous allons répéter le dernier mot de Marion. Ah ouais. Allez, c'est parti, on appelle, on fait un test. Ok, bonsoir, pourquoi tu m'appelles? M'appelle. M'appelle. Ah bah vous voilà. êtes pas là. Allez, oui, allez-y. Allez. Le dernier mot. Hein. Mot. Tous en cœur. Cœur. Bien. Bien. Bien. Bien. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, pourquoi tu m'appelles? M'appelle. Oula. C'est vous qui m'appelez? Ah non, monsieur, mon téléphone vient de sonner. Sonner. C'est vous qui parlez derrière, là? Bah, comment ça? Moi aussi, j'entends des voix. Voix. Attendez, monsieur, on est victime d'un canular? Canular. Ah, c'est vous, là, vous faites exprès, là. Ah non, monsieur. Vous venez de m'appeler, là. J'ai peur que ce soit un piratage. Piratage. Ah, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, là. Écoutez, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, moi. Dites-moi pourquoi vous m'appelez. Monsieur, mais alors, à moi, c'est Jean-David? Jean-David? Non, c'est pas Jean-David, non. D'accord, alors là, vraiment, je suis dans l'incompréhension la plus totale. Total. Et puis, ces voix commencent vraiment à m'angoisser. Angoissé. Monsieur? Ça y est, il est parti. Moi, on me dit de répéter le mot angoissé, je dis goissé. En fait, j'ai mis une petite difficulté sur Jean-David. Je savais pas si vous alliez dire Jean-David ou David. Ouais. Mais c'était pas mal. Hein. C'est vrai. Bien joué, la team. Combien de temps on a fait tous ensemble pour ce travail d'équipe? 53 secondes. Oh. C'est pas terrible, mais vu la difficulté, franchement, je m'en sors bien. Alors, moi, je propose que comme Théo a eu le gros handicap de l'écarteur de bouche, on laisse Shake Up le faire. Et on verra si on a le temps de s'en faire un autre avec toi, mon pote, ok? Allez, tu peux dire la stratégie que tu veux, tu peux faire la victime, la meuf énervée, tu et, te lâches. Et si t'as besoin d'aide, tu peux prendre l'un membre de l'équipe du Night Show qui peut t'aider aussi. Ah oui, genre je suis avec une copine et on intervient. Bonne chance. Allô? Allô? Oui. Oui, pourquoi tu m'appelles? Moi je t'appelle, c'est toi qui m'appelles. Ah, moi qui t'appelle? Mais non, c'est toi qui m'appelles, mon téléphone vient de sonner. Ah non, c'est toi qui m'appelles. Mais non, c'est qui? Devant la télé. Ah non, c'est moi qui suis tranquillement devant la télé avec ma copine. Attends, mais attends, le mec il dit que c'est moi qui l'ai appelé, c'est lui qui m'a appelé. Non, mais te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Je suis tranquillement devant la télé, regarder le match tranquillement. Le match il est terminé déjà. Moi aussi j'étais en train de le regarder. Et non, c'est toi qui m'a appelé. Bon, bah super. Vas-y, c'est pas ce moi, c'est qui? Je sais pas, c'est un mec qui vient de m'appeler, qui dit qu'il est devant la télé. Non, mais ça va? Non. Allô? Commence pas à me retourner le cerveau. Allô? Tu vas m'appeler. Allô? Allô, t'es en train de déranger ma meuf? Bah, grave. Je dérange ta meuf? T'es en train de déranger ma meuf? Tu veux choper ma meuf? C'est toi qui m'appelles? Bah non, c'est toi qui nous appelle, mec. Je suis tranquillement devant la télé. Et là, tu m'appelles, tu me fais chier à se passer. Non, mais c'est toi qui nous saoule, mec. Tu crois qu'on n'était pas bien, tranquillement, en train de se lever? Il est parti. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que je sais pas où j'allais. Ouais, mais alors déjà, t'es parti sur une relation de couple alors qu'elle parlait juste de sa pote, elle. Ah bon? Oui, parce que peut-être que j'essaie de lui faire passer des messages. Magnifique. Alors... Et franchement, c'était pas trop mal. Ouais, combien de temps elle a fait, Thibaut, à l'area? Oh là là, c'est l'instant suspense, hein. Ah oui. Donc Marion, tu t'avais fait 53 secondes. Oui. Et là, le score affiché au tableau est de 59 secondes. Ouais, franchement, je me suis fait rétamer, mais enfin, vous n'aviez pas de difficulté là, les filles. Vous étiez deux, donc je considère quand même que c'est une mini victoire. Pour moi-même. Excuse-moi, tu serais pas un peu mauvaise joueuse? Un petit peu, oui. Bon, juste avant de vous quitter, les gars, il y a Sidonie qui avait une question. Bonsoir, Sidonie. Bonsoir. Salut. Salut Théo. Oh mon dieu, Théo. Oh non. Trop mignonne. Alors, on t'écoute. J'avais une question par rapport à Wifi, donc ta chaîne avec Antonin et Gloria, savoir si ça allait continuer ou pas. Ouais, alors en fait, ça fait 2 ans que la chaîne, on l'a arrêtée. Alors explique, c'est quoi? C'est une chaîne que tu fais avec des potes youtubeurs que faisais? C'est une chaîne, quand j'ai commencé YouTube, c'était une chaîne collab où il y avait donc Gloria, Mademoiselle Gloria et Antonin. On était à 3 et on faisait des vidéos ensemble. Et voilà, on a arrêté parce que ça nous prenait énormément de temps, parce qu'on a nos chaînes à côté. Ah d'accord, donc il n'y a pas de reprise prévue pour l'instant? Voilà, non, pas de reprise prévue. Mais voilà. Ah bah je pense que tu viens de faire une déçue, hein, Sidonie, t'attendais la reprise? Non, mais en fait, c'est parce que merci. Comme toi, ils allaient essayer de refaire. Du coup, je me demandais. Ah. Ouais, non, mais c'est vraiment compliqué, en fait. Parce que, tu sais, il y a les études, tout ça. Donc, voilà. Et oui, ça bosse, ça bosse. Donc, pour l'instant, on reste sur les chaînes personnelles. C'est Théo Gordy et Shake Up, ok? Ok. Et je voulais lui dire bravo pour le demi-million. Et je suis très fière de lui et je l'aime beaucoup. Ah merci, t'es trop chou, moi aussi je t'aime beaucoup. Oh bah. Mais tu sais quoi, Sidonie, on t'envoie aussi une dédicace de Théo, d'accord? Oh, merci. On t'embrasse, ma chérie. Bisous. Gros bisous. Bisous. Et merci mille fois d'être venu. Franchement, c'est un kiff. On est ravis de faire cette grande opération avec Yop et avec vous. Je vous rappelle une dernière fois le principe. Si jamais vous débarquez maintenant, vous pouvez devenir le youtubeur de demain grâce à Yop. Pour ça, il vous suffit d'envoyer votre vidéo. Il y a plein de catégories, plein de thèmes, même une catégorie libre si vous êtes inspiré. Ouais. Vous la postez avec les moyens que vous avez. Il n'y a pas de souci. On ne juge pas là-dessus. Nous, on juge vraiment la créativité, l'inspiration, tout ça. Et puis, bah, chaque mardi avec Anso, on choisit notre coup de cœur. On envoie du cadeau. Et si vous êtes le grand gagnant, alors là, y a plein de trucs à gagner, ça va être lourd, ça va se passer au Trianon, vraiment ça va être une soirée incroyable avec Black M, Tonio Life, Théo Gordy et Shake Up. Donc allez-y, toutes les infos sur yop.fr. Bonne chance à vous tous et on est d'accord, c'est une belle opération, on continue, on y croit, personne ne lâche le navire. Moi j'arrête, j'en ai marre. Merci les amis, on va vous suivre sur vos chaînes YouTube respectives et c'était super cool et promis, plus d'écarteurs de bouche, plus rien. Ah non, plus ça, non. Bon ça va, vous avez passé un bon moment quand même. C'était top, ouais. Bon, ouais, et ben vous êtes des gentils chats, vous aurez le droit de revenir quand vous voulez. On vous embrasse très fort, merci d'être venu en tout cas dans le Night Show ce soir. Et vous restez avec nous puisque nous allons lancer dans un instant la grande foire aux célibataires. On l'a déjà fait plusieurs fois dans le Night Show, mais comme vous êtes nombreux à nous envoyer des mails, oui je suis célibataire, je cherche quelqu'un, un mec, une meuf, vous nous appelez maintenant au 01 42 48 5000. Et pour le son, c'est Jason Derulo et Nicki Minaj sur Fun. Super. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time. Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Shimmy, yeah, shimmy, y'all. Bad girls gon' swallow, la, la, la. Bust down on my wrist, ain't it, bitch? My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. Like how your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. That's the gang still called, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. Okay, these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anne sur le Night Show. On est en direct. Si jamais vous débarquez, allez mater les replays de nos Facebook Live. On s'est marié avec nos invités ce soir. C'était les youtubeurs Théo Gordy et Shake Up. Allez voir ça. La phase avec l'écarteur de bouche est vraiment épique. Oh, non, mais c'était magique, mais j'ai cru que j'allais mourir de rire en fait. Parce que vous, peut-être que vous, derrière votre radio, vous avez écouté, vous avez dit non, mais elle en fait trop. Mais en fait, vous n'avez pas le gars devant vous. C'est pour ça que vous pouvez aller voir le replay du Facebook Live. Parce que c'était vraiment énorme. La bave et tout. Quoi. On vous sortira évidemment la bave. Une vidéo YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook, oui, ça existe, ça arrive. Exactement. Et là, on va débuter ce qu'on appelle la foire aux célibataires. On le fait régulièrement, je crois qu'on l'a fait une ou deux fois cette année. En fait, c'est pour vous permettre de trouver l'amour sur l'antenne. Vous êtes nombreux à nous dire j'en ai marre, je suis célibataire, je sais pas comment m'y prendre, ça vient pas, les râteaux, les ci, les ça. Et bah, c'est votre moment. Appelez-nous maintenant. Vous voulez vous décrire et dire ce que vous recherchez devant la France. Précisez aussi la région, hein, vers où vous cherchez, c'est important. Et on essaie de vous mettre en relation avec un maximum de gens. 01 42 48 100 000, je le précise, on n'a pas de limite d'âge, que vous ayez 10 ans ou 80 ans. On prend tout le monde à l'antenne. Exactement, par exemple si vous êtes Charles Aznavour, vous pouvez nous appeler. Ah oui, je pense qu'il a beaucoup de problèmes en amour. Joris est avec nous, il appelle de Rochefort. C'est hyper joli comme coin, non loin de La Rochelle. Tout ça, bonsoir Jojo. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ça fait bizarre de vous parler comme ça fait un petit bout de temps que je vous écoute. Ah, ah. Ben, tu vois, mais nous on est très contentes de t'avoir, mon Joris. Et puis voilà quoi, ouais, je vous ai contacté parce qu'en fait depuis ouais, ça fait 3-4 ans je suis sur Rochefort et en fait c'est un peu la galère, c'est un peu la rastra pour trouver des jeunes demoiselles. Alors toi Joris, si je me trompe pas, tu nous as même envoyé un message. Ouais, est-ce que même, je vous ai même appelé deux fois. Ah bah tu vois, comme on quoi m'a la jamais rappelé. Persévérance paye. On est là avec toi ce soir. Bah on t'a jamais rappelé, on t'a quand même appelé ce soir. Hein, oui, ouais, parce que j'ai envoyé un message via Facebook, c'est pour ça. Bah oui, mais tu sais, parfois, voilà, on est comme ça, submergé d'appels, et Facebook, c'est un bon moyen. Mais je plaisante. Oui, parce que j'ai cru que tu étais en train de nous engueuler, là. Alors, je vais lire ton message, mon pote, parce qu'on va un peu comprendre ta situation comme et si jamais il y a des filles qui sont intéressées par ton profil, qu'elles n'hésitent pas à appeler dès maintenant, 01 42 48 5000. Nous dit ceci. Salut toute l'équipe, c'est Joris, 34 ans, de Rochefort, et je vous écris car je vous ai déjà appelé deux fois, effectivement. Je vous contacte car je galère à me trouver une meuf, surtout parce que je suis petit de taille, 1m50, et je suis un peu timide pour aborder les filles dans la rue. Après avoir écouté l'une de vos émissions avec une fille qui a été attirée par les hommes petits, pouvez-vous me rappeler ce soir pour m'aider à trouver des filles de 18 à la trentaine? Merci. Alors, c'est quoi? C'est un souci de taille? Excuse-moi de te demander ça. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est juste que t'es petit? Non, en fait, mon problème de taille, c'est que en fait, j'ai un retard de croissance, tout simplement. Ok. Ouais. C'est que, en fait, quand j'étais petit, à partir de l'âge de 2 ans, je tombais malade. Mm-hmm. Après, j'étais suivi à Necker, etc. Et puis, voilà. Mais, c'est un retard de croissance. Mais bon, dans mon malheur, ça va. Hein, physiquement, je suis 1m50, je suis proportionnel. Quoi, j'ai pas de problème. Alors, je sais pas. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu peux te décrire un peu avec des détails concrets? Couleur des cheveux, musculature? Je suis 1m50, je fais 57 kilos, je suis châtain brun, j'ai les cheveux courts, j'ai des lunettes. Blanc, métis, black. Blanc. Et puis voilà quoi, je travaille en intérim, je suis agent de service hospitalier dans les maisons de retraite, et puis pour l'instant je bosse pas. D'accord, et toi tu recherches une fille qui a entre 18 et 30 ans? Ouais, je disais ça pour dire que je suis pas trop difficile. Et Joris, est-ce que t'es timide comme mec? Est-ce que par exemple le fait que tu fasses 1m50, ça te pose un problème? Ça te pose un souci de confiance en toi? Non, mais en fait moi je suis timide au début, c'est-à-dire pour aborder les filles dans la rue, c'est pas trop mon style quoi. Mais c'est vrai que quand je suis avec des amis, qu'on va en boîte, en soirée, je peux parler facilement. En fait, c'est vrai que c'est au début que je suis un peu timide, mais après je parle facilement avec les gens quoi. D'accord. Il y a pas de problème. Alors, sur ça. Juste parce que comme il faut quand même être faut qu'on aille droit au but. C'est quoi tes hobbies, tes passions, ce que t'aimes faire dans la vie? Moi je suis très cinéphile, j'aime tout hein, enfin j'aime bien le cinéma, les sorties, j'aime beaucoup voyager. Ouais, les sorties, comme tout le monde je pense, j'aime bien les sorties, j'aime bien voyager. T'es ouvert, t'es bon vivant. Alors petite question, est-ce que une relation à distance ça te pose problème? Est-ce qu'il faut vraiment qu'elle habite Rochefort ou tu peux faire de la route? Non, moi je suis véhiculé, j'ai une voiture et tout. Moi si, c'est pour ça que je sais pas si j'avais précisé, mais moi j'habite à Rochefort, c'est à côté de La Rochelle qui est une grande ville. Ok. J'ai Royan, j'ai Niort, Oui, mais admettons, on a une nana qui nous appelle et elle habite, à Lyon. C'est l'autre bout. Est-ce que t'es prêt? C'est un peu chaud. Ouais, non, c'est un peu chaud. Non, je veux bien faire 50 km, 40 km, mais. D'accord, pas trop. Je suis prêt à faire peut-être une heure de route, une heure et demie maximum. Bah, il a raison en même temps, Joris, le prix de l'essence aussi. Alors, Joris, écoute, mon pote, le message est passé, on va essayer, je suis désolée de t'écourter un peu, mais de faire passer un maximum de personnes. Ouais. Mais en tout cas, si je résume, t'as 34 piges, t'habites du côté de La Rochelle, tu cherches une relation avec une fille simple, ouverte, avec qui tu peux faire plein d'activités, le ciné, les voyages, les sorties. Et puis, globalement, t'as pas de limite d'âge. Physiquement, si tu devais juste dire un critère pour une fille, ce serait lequel? Physiquement, c'est vrai que je suis plus fixé sur j'aime bien les antillaises, les blacks avec un peu de forme. Okay. Sinon après ça marche surtout au feeling quoi, parce que là, T'as raison, Joris. C'est un état d'esprit, quoi. Et ben, du coup, tu sais quoi? Moi, je trouve que t'es un gentil chat. Si vous êtes intéressé par Joris, vous nous appelez au 01 42 48 5000 et toi, mon pote, on te tient au courant, d'accord? Bah, on te garde en attendant. On sait jamais si on a un appel là qui arrive dans la foulée. Ouais, ouais, y a pas de problème, ouais. Allez, ne bouge pas et on va du côté d'une fille à Strasbourg. Du coup, c'est con, Joris, parce que ça fait loin. Ouais. Hein, bah, forcément. C'est l'autre bout, ouais. Bah, oui, il nous a dit 40 km, pas plus. Céline à Strasbourg, bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Ça va Céline? Ça va bien et vous? Oui, charmante voix déjà Céline. T'as quel âge toi? J'ai 23 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière, ah bah métier qui fait fantasmer plus d'un garçon, bon point déjà. Et plein de piqûres. Alors raconte, pourquoi t'es célibataire? Ça fait un moment? Ça fait un an et demi que je suis célibataire. Ok, et est-ce que t'as eu des relations longues? Est-ce qu'il y a un souci? Enfin, c'est juste que t'as du mal à trouver en ce moment? En fait, je suis un peu timide aussi au début, pareil. Après, une fois qu'on me connaît, ça va. Mais j'ai eu une seule relation longue, ça a duré 3 ans, ça s'est arrêté. Parce qu'il m'avait trompée, donc du coup, bah, j'ai coupé court à la relation. Et du coup, voilà, pour le moment, j'ai rien. Et puis, je cherche sans chercher, mais du coup, grâce à votre appel, bah, je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance. Est-ce que tu peux te décrire rapidement physiquement, chérie? Ok, je fais 1m65, je fais 65 kilos, je suis blonde aux yeux bleus, cheveux longs. Oh. Waouh! Wow. Attends, c'est jolie. Céline, c'est un fantasme sur pattes. Hein. Ouais. C'est qu'elle est infirmière, elle est blonde aux yeux bleus. C'est tous les clichés du fantasme des mecs, en fait. Dis-nous la vérité, tu fais beaucoup draguer? Ça dépend. Ouais, bon, t'es jolie. C'est sûr. Ah oui, elle a du caractère. Et tu cherches un mec qui a du caractère aussi ou qui est plutôt cool à vivre? Alors, plutôt du caractère parce que sinon, je vais le bouffer. Ok. Oui, mais au moins Céline, ça veut dire qu'elle est honnête aussi, les gars. Est-ce que t'as des critères d'âge, de métier, de physique? Dis-nous tout. Pas plus jeune que moi. Ok, donc pas en dessous de 23. Ah. Pas au-dessus non plus de 30 ans. C'est pas non plus. Moi, je crains un peu beaucoup d'âge et qu'il soit plus grand que moi. Okay. Désolée. Non, mais il y a pas de souci. Tu mesures combien du coup? Redis-moi combien tu mesures. 1m65. D'accord, donc au moins 1m70 minimum ouais, 23 ans. Et puis après, c'est le feeling, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, j'ai pas forcément de style entre guillemets. C'est surtout, pareil, le feeling. S'il y a pas de feeling, il y a rien, quoi. D'accord. Bon, eh ben chérie, on va redonner le numéro pour toi aussi. Franchement, je pense que ton profil peut plaire à beaucoup de garçons du côté de Strasbourg. 01 42 48 5000. Le numéro est gratuit. Reste avec nous, on te tient au courant, ok? D'accord. Allez, bouge pas, petite femme. Et juste avant de vous reprendre au téléphone, là, je crois qu'on a Pépère qui a envie aussi de passer une annonce. Pépère, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va pas avec mes mères? Non, en vrai, j'aimerais bien changer de crèmerie. D'accord. Oui. Alors, bah, vas-y, c'est la foire aux célibataires. Tu peux le faire, on t'écoute. Alors, je suis à la recherche d'une femme de tout âge et de tout petit d'origine, ayant le moins de dents possible, parce que tu vois, c'est plus pratique pour la fellation quand il n'y a pas de dents. Et j'aimerais aussi un point très important, qu'elle ne bave pas de latte-chat. Oh, oh non, ça, c'est dégueulasse. Je vous explique, récemment dans l'émission, je vous avais expliqué qu'il y avait eu des dégâts des eaux à cause des voisins qui se plaignaient de la chatte de ma mère qui bavait trop. Oui, d'accord. Du coup, voilà, je suis pas très gourmand. D'accord, donc pas de dents et pas trop de tout ce qui est bave, quoi. Hein. Voilà, après le physique, en vrai, Pépère est preneur. Eh ben, Pépère, c'est pareil, l'appel est lancé, on ne sait jamais. Peut-être qu'une nouvelle mère va sonner à ta porte. Je vous sens bien optimiste. C'est sympa. Mathis veut passer aussi un message, il appelle de Bordeaux. Alors, Mathis, je vous le dis déjà, ça pue le beurre à 10 000 mètres. Bonsoir, Mathis. Bonsoir. Un beurre. Beurre, t'as 12 piges. Ouais. Et à 12 ans, tu cherches déjà l'amour, toi? Oh, ouais. Oh, bichon, c'est trop mignon. Alors, Est-ce que t'as déjà eu une histoire, Mathis? Ouais, je viens de me faire quitter hier, en fait. Oh, bébé. Ça faisait combien de temps? Un ou deux mois, un mois. Ouais, mais à cet âge-là, c'est très long. Un mois à 12 ans, c'est même une très belle perf, je vous le dis, les gars. Franchement, ouais, c'est 10 ans de nos jours, quoi. Ouais. C'est clair. Ouais. Alors, déjà, pourquoi elle t'a quitté? Elle t'aimait plus? Mais en fait, elle m'avait dit qu'elle faisait un voyage en Angleterre. Mmh. Et quand elle est revenue, elle a envoyé un mauvais message à la mauvaise personne. Ok. Et j'ai su qu'elle me trompait, en fait. Oh bébé, à 12 ans, non mais quand même. Oh non. Mais attends, elle a 12 ans aussi? Ouais, c'est fou. Ouais. Mais attends, vous faisiez quoi? Juste des smacks, des roulages de pelle? Ça a été jusqu'où avec elle? Non, c'était une relation à distance. Ah oui, donc il n'y avait elle même pas... Elle a déménagé, du coup... Ah, bébé. Bon, et c'est pas grave, t'as raison, il faut tout de suite remonter à cheval. Tu t'es fait quitter hier, aujourd'hui tu passes ton annonce. Tu recherches quoi, Mathis, 12 ans? Trop chou. Une fille plutôt affectueuse, mais qui peut parler assez souvent. Oh ben. Ouais, mais tu veux qu'elle soit dans ta ville ou tu veux une relation virtuelle? N'importe, franchement. Ok, t'habites où toi, Rodi? À Bordeaux. À Bordeaux, 12 ans. Et tu veux qu'elle soit comment physiquement? Tu t'en fous? Moi, ce qu'il me préfère, c'est le caractère surtout. Non mais lui, il a tout compris, il a 12 ans, mais il est génial. Grave. Excuse-moi, Anso, t'as été triste quand t'as quitté? Ouais. Bébé. Tu sais quoi, Mathis, t'es beaucoup trop jeune pour moi, mais enfin, si t'étais devant moi, je te ferais quand même un gros câlin. Oui, Amir. Moi, mon pote, j'ai une question pour toi. Là, si elle t'écoute, t'aimerais lui dire quoi? Franchement, j'aimerais même pas lui parler. Ah oui, il est fâché aussi. Mais Amir, elle l'a trompé aussi. Ouais, c'est pas facile à 12 ans, hein. C'est terrible. Et dans ta classe et tout, il y a pas de petites meufs qui peuvent te plaire? Non, franchement, non. Bon, et ben Mathis, je redonne le numéro juste pour toi. Tu veux qu'elle ait quel âge maximum? 12-13 ans maximum. Oui, bah 13 ans, c'est le grand max. Et minimum? 11 ans et demi. Bon, alors vous avez entre 11 ans et demi et 13 voilà. ans. Vous écoutez Fun Radio, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. Lui, c'est une perle, hein, je vous le dis, ce gamin-là, je le sens très bien. Oui, Amir. C'est la première. Il aurait pu dire je veux une meuf de 9 ans, ça m'aurait pas choqué pour une fois. C'est trop chou. Bah, franchement, Mathis, je te jure, j'espère que ça va appeler. Et vous trois, là, on a eu Joris, on a eu Céline, on a eu Mathis. Si on a des appels, vraiment, c'est sûr, on va vous les transmettre et on refera très vite une foire aux célibataires parce que je vois le standard exploser. Vous êtes nombreux à chercher l'amour. Mathis, j'ai très envie d'avoir de tes nouvelles. Promets-nous que tu nous rappelles là très très vite. Genre semaine prochaine ou semaine d'après, je vais avoir des nouvelles de toi. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu nous donnes des nouvelles, d'accord? Ok, je peux faire une dédicace? Ouais, bien sûr. J'ai une dédicace à Sam, Julien et Maëva et puis à tous mes potes. Okay. Et ben, on embrasse tout le monde sauf ton ex qui n'est pas sympa. Qui est un méchant chat. On t'embrasse, Mathis. Bisous. Bisous. Salut. Non mais il est pas trop touchant franchement, Mathis. Ah ouais. Mais je te jure, il m'a foutu limite les larmes aux yeux. Mais tous, hein, Joris, j'espère vraiment qu'il va trouver l'amour avec ses 1m50 et son grand cœur. Et Céline aussi, là, l'infirmière de Strasbourg, on vous tient au courant. Le retrouve-moi si tu peux, c'est ce qui va débarquer là dans un instant. Et si vous voulez participer, eh ben, soit vous nous appelez maintenant au 01 42 48 5000, le numéro est gratuit en plus, ou alors vous vous inscrivez par mail marion@funradio.fr. Et pour le son, le tout nouveau Guetta avec Justin Bieber, c'est mortel ça. I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak. When it comes to you. Take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le night show, comme chaque soir, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. Mais qu'est-ce qu'on est bien avec vous, hein. Je me suis levée ce matin, ah ouais, je suis allée à la boulangerie m'acheter des petits croissants, parce que bon, dis donc, il faut quand même survigorer le matin, et je me disais, qu'est-ce qu'on est bien avec vous, quand même, hein. Dès le matin, je me disais ça. Bon, en tout cas, inscrivez-vous, parce qu'on va organiser une soirée de ouf la semaine prochaine. On va recevoir les acteurs du film Baby Driver, qui va sortir avec Fun Radio. Les acteurs sont américains, il y a Lily James et Ansel Elgort, c'est le beau gosse qui jouait dans Nos Étoiles Contraires. D'ailleurs, je me disais, ah, trop cool, on reçoit un beau gosse et tout. Et ben, finalement, je me rends compte qu'il a 23 ans. Ah, bah, ça va. Je vais me raviser, moi et ma libido débordante. Il est peut-être très mature comme garçon. Hein. Exactement. Bon, en tout cas, si vous voulez vous inscrire pour le rencontrer et lui faire des câlins et des bisous, et ben, Marion et Anso @funradio.fr. Toutes les infos sont sur la page Facebook Marion et Anso. Et vous pouvez bien sûr nous appeler aussi dès maintenant au 01 42 48 5000. Comme ça, si vous voulez venir, ça vous fait beaucoup de moyens de communication. Tout à fait. Retrouve-moi si tu peux. Mais tu te fous de ma gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, c'est pas en vrai. Retrouve-moi si tu peux. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour avoir des gosses pareils? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. À l'approche des grandes vacances d'été, c'est toujours cool d'avoir une PS4 Slim pour s'occuper, on est d'accord? Parce que tout le monde ne peut pas partir comme ça tout l'été. Donc nous, on vous l'offre ce soir avec les places pour aller voir le film Wonder Woman. Pour vous inscrire, Marion et Anso @funradio.fr. Et c'est Evan qui joue avec nous ce soir. Il habite à Julie, c'est drôle ça. C'est comme s'il y avait des villes qui s'appelaient Jean-Paul, Jean-Marc ou Christelle. Oui, hein, ou Marion et Anso. Exactement, bonsoir Evan. Salut Marion, salut Anso, salut l'équipe. Salut. Ça va Evan? Ça va et toi? Oui, comment on appelle les habitants de Julie? Les Julias. Oh, c'est joli. Les Julias, du coup. D'accord. J'ai absolument pas compris, moi. Les Julias. Julias. Julias, tiens. Alors, effectivement, j'avais rien compris non plus. J'y étais pas. Voilà, on a bien fait de te faire répéter. Non, merci. Alors, mon chat, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Tu vas piéger qui? Je vais piéger mon père, Stéphane. Stéphane, d'accord, je te rappelle la règle du jeu. Tu dois lui faire croire que tu as accepté un événement Facebook, que tu as accepté d'y aller, que ça tourne mal. Et lui doit dire, ok, je viens te chercher. Donc, qu'est-ce que tu as choisi comme événement? Un événement street art Facebook qui tourne mal. C'est quoi le street art? C'est genre, tu fais des dessins? Ouais, des graphes. Ouais, c'est ça, les tags sur les murs, quoi. Et pourquoi ça tournerait mal? Eh bah, parce que la plupart des gens sont torchés et que j'ai peint sur un SDF. Mais c'est grave violent, quand même. Non, mais tu dis, t'as peint sur un homme, mais peut-être pas, laisse les SDF tranquille. Sur un homme, allez, sur un homme. Bah oui, on ne peint pas comme ça sur les pauvres gens qui sont sans domicile fixe. Quand même. Bah attendez, cela dit, c'est un jeu, hein. Imagination, il a rien fait de mal, le pauvre. Mais, évidemment, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, en plus, je dis ça, mais Evan, on ne peint pas d'ailleurs sur des gens qui ne sont pas consentants. Hein. Ouais, elle dit que peut-être c'est une femme qui est nue et tout, mais du coup, maintenant, elle te saoule. Enfin, part dans un délire, mais c'est vrai, laisse les SDF tranquille. D'accord. Allez, Evan, c'est parti, on appelle papa Stéphane. C'est ça. Mais c'est bien pensé, cela dit, il a de l'imagination, hein. Oui. Peut-être trop, hein. Non, oui. Surtout. Oui, allô? Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Bah, c'est toi, mais t'es où, là? Bah, je suis à Villepinte. Bah, et ça fait 3 heures qu'on essaie de t'appeler. Ça fait 3 heures qu'on essaie de te joindre sur ton téléphone. À quoi ça sert qu'on te paye un abonnement téléphonique si on peut pas te joindre? T'es où? Ouais, mais je suis à Villepinte, là, je suis planqué, là, j'ai fait une connerie, je suis pas fier de moi. T'es à Villepinte? Où, à Villepinte? Je sais pas, je suis paumé et... Je t'explique, tu vois, j'étais chez Marion cet après-midi. Ouais. Ouais, elle m'a dit, ouais, il y a un événement Facebook, et tu sais, là, c'est beaucoup chez les jeunes maintenant, là. On va, voilà, et en fait, elle m'a dit, il y a une expo peinture, c'est très content qu'on vienne ensemble. Sauf qu'en fait, l'expo peinture, c'était du street art. Ouais, ok, et bon, ça va, après. Ouais, mais ça a mal tourné. Comment ça a mal tourné? Bah, y a des mecs un peu chelous là-bas, et genre, là, moi, je... À un moment, on a fait ça, enfin, ils ont peint sur une femme nue et tout, elle était complètement bourrée. Et ensuite, on a croisé des gens sur la rue, et ils ont peint sur la tête des gens, et moi, j'ai écrit sur les murs. T'as à fou. Ouais, voilà, mais il faut que tu viennes me chercher maintenant. Parce que là, c'est où fait, je choper, pas, tu me merdes. Moi, tu vas réparer tes conneries. Mais je suis en face d'une derrière, là. Tu prends le train, tu te démerdes. Tu commences à trouver une adresse. Oh, hein, tu regardes sur un panneau, il y a des panneaux carrés, c'est marqué adresse. T'as un téléphone, tu vas sur ton, ta géolocalisation Google, je sais pas trop quoi. Ouais, mais il y a un panneau avec le marqué gare, j'y vais ou pas? Gare de quoi? Gare RER. Ouais, je crois que c'est ça. Attends, je rigole. Ah, c'est ça. Oh là là là là là là là là là là. Tu me saoules. T'as vu l'heure qu'il est, demain t'as école, t'as tes révisions de BEPC, et toi tu fais quoi? Tu fais des conneries. Et toi t'assures quoi? Et bah tu dessines sur les murs. Monsieur, viens, du street art. Je sens qu'ils vont arriver. Qui? Bah les flics justement. Bah les flics? Bah tu te manes. Ah bah j'ai encore plus. Je suis à la garde de ton cul, papa, maintenant. Je suis à la garde de ton cul. Oula. La garde de mon cul. Ah tu sais quoi? Eh bon, ton cul, quand tu vas rentrer, il va être rouge écarlate. Et pour l'instant, tu vas pas poser tes fesses sur ton cul. Tu sais quoi, tu vas t'asseoir sur une bouée. Alors, hein, même en saccadé, ça fait peur ce qu'ils disent, papa. Ça. Moi, j'avais l'impression que le réseau le censurait, mais en fait, non. Bon, tu viens chercher ou pas? Bon, alors, Evan, arrête, Evan. Sors du truc, sors du perso. On va expliquer ce qui se passe à papa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous êtes qui? Alors, nous sommes Marion et Anso et vous êtes en direct sur Fun Radio. Oui. Ah, bah, bienvenue déjà, ravi que vous le preniez comme ça. Ouais, non, attendez, je comprends. Ouais. Fun Radio, c'est. Oui, et. Alors oui, c'était une blague, il n'y a pas du tout de street art, tout va bien. Il vous a fait un piège pour pouvoir gagner sa PS4 Slim. Alors le souci, monsieur, c'est que normalement, pour gagner, vous, il faut que vous acceptiez de venir le récupérer. Mais j'ai l'impression que vous étiez plus en mode tu te démerdes. Ah non, j'aurais été le chercher, mais à quel moment? Là, j'aurais été le chercher, bien évidemment. Mais bah si, attends, Stéphane, oui. En plus, il a dit, regarde, il y a des trucs carrés avec marqué adresse, tu vois. C'est vrai, il y serait allé. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, moi, j'y serais allé, je vais pas laisser mon gamin de 15 ans dans la rue. Puis moi, il me fait rire, Steph. Dès qu'il a décroché, il était bougon. Et bah alors, c'est gagné, bravo, on vous envoie la PS4 à la maison. Bah, j'ai rien de temps pour lui. Eh bah, Ayon, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner une console? Désolé, hein. Ouais, t'inquiète. Bon, bah, je vais pas te chercher, tu rentres tout seul. Bah, du coup, oui. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah, c'est cool alors. Bon, Stéphane, on vous embrasse, vous êtes trop cool. Merci. D'accord, super sympa. Bisous. Bonne continuité, au revoir. Bon, et puis Evan, dis à tes parents de déménager parce qu'il y a un réseau absolument horrible. Ouais, je sais. Allez, on te fait des gros bisous. Salut, merci. Au fait, juste l'équipe. Oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un pack de radio, s'il vous plaît? Oui, allez, on te rajoute ça. Ça marche. Que si t'as ton BEP, d'accord? D'accord, promis. Allez, bisous Evan, on t'embrasse. Salut. Ciao. Martin Garrix, ça arrive là tout de suite sur Fun Radio pour le son. Et dans un instant, nous allons ouvrir le dossier cul du soir avec une auditrice qui a un problème avec son mec. En gros, à chaque fois qu'ils font l'amour, ils tentent quelque chose. Discrètement, ils le tentent et elle n'aime pas ça du tout. Bah, elle va tout nous raconter, bah, elle a le droit de pas aimer. Hein. Bah oui, non mais lui, quelle audace. Ah, il est audacieux, mais il a envie d'y aller. On va tout vous raconter dans un instant. Si vous aussi, il y a des trucs, les filles, qui vous saoulent au lit avec les mecs, appelez-nous. C'est une session fille ce soir, 01 42 48. 5000, on parle entre meufs dans un instant sur Fun. Lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. I got you, I promise.